Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Fin du Game, l'émission qui va au bout des jeux et qui recommence pour passer en Prestige 2. Moi, c'est Hugo, je suis avec Maxime. C'est mieux quand ça rime. Eh ben oui, ah bah c'est, ça c'est l'amateur de rap. Hein. Et je suis aussi avec Exerve. Salut. Alors messieurs, bon déjà je suis trop content de vous retrouver, voilà, d'être enfin ensemble en présentiel autour d'une table, ça fait vraiment plaisir. Vous m'avez manqué, voilà, je vous le dis. Maintenant, je suis heureux, j'ai presque envie de pleurer. Non, peut-être pas, on va pas tout de suite le faire. On vous remercie de nous soutenir sur Patreon, ça continue. Voilà, les gens qui rejoignent cette grande entreprise qui est Fin du Game, merci de nous soutenir. Fin du Game Corporation. Exactement, exactement. Voilà, bah merci beaucoup. On vise toujours le prochain palier. Il n'y a pas eu beaucoup de Twitch hein, ces derniers temps. Disons qu'on était un peu occupés. Hein. Alors, on a été malade, il y a eu 36 000 jeux qui sortent. Moi, je suis sous embargo toutes les deux minutes. Bon, ça suffit au bout d'un moment. Mais ça arrivera, voilà, c'est à vous de décider quand ça arrivera. On remercie également notre sponsor Third Edition, c'est la maison d'édition spécialisée dans les ouvrages consacrés aux jeux vidéo. Mais pas que. Mais pas que, en effet, parce qu'ils font des ouvrages sur tout d'autres médiums, d'autres médias. Et il y a notamment un livre sur Christopher Nolan qui sera sorti là au moment où vous écoutez l'épisode. Il sera sorti hier, jeudi, juste avant la sortie de l'épisode. Donc l'œuvre de Christopher Nolan, ce cinéaste britannique, il me semble, hein, qu'il est... Voilà. Mais dis, nous donne pas les infos. On n'a pas reçu le livre encore, nous. Donc on ne sait pas. On ne sait pas qui est Christopher Nolan. Qu'est-ce qu'il a fait comme film? Je n'en ai aucune idée. Je suis le réalisateur du film Inception de Tenet, Memento. Qui suis-je? La trilogie Dark Knight. Oui. Christophe Nolan. Christophe Nolan. Non, on aime ici Christophe Nolan ou pas? J'en étais sûr. Ah, c'était obligé. Monsieur Serve. Comment? On aime ici. Oui, toi. Non, quand je dis on, c'est toi en fait. Non. Allez, on discute entre moi et Max alors. Non, moi j'aime bien Le Prestige, Interstellar. Voilà, mes deux films préférés de Nolan, je dirais que c'est... Moi, j'aime c'est bien ça. Quand je regarde pas ces films. Très bien, voilà, merci. Merci, Monsieur Cerf, pour ce sponsor, tout le monde sera content. Donc voilà, vous pouvez retrouver le livre sur le site de Third, vous pouvez aussi suivre leur Twitter, comme ça vous avez toutes les actus en direct, comme ça, qui arrivent en flux numérique dans votre portable, et vous avez tous les livres. Bon, il y en a un tous les deux jours, a priori, je crois que c'est à peu près ça le rythme qu'ils ont. Aujourd'hui, on va parler de Call of Duty. C'est un événement, bien sûr, cette émission. Ouais. Là, normalement, si, tu vois, le mixeur Max fait bien son travail, tu vois, on entendra les trucs de fusil et tout derrière, des trompettes. Mais bien sûr, genre un truc, chevaucher des Valkyries et tout ça. Je suis pas assez payé pour ça. Oh là, revendications en direct. Autant des bruits de fusil maintenant, mais qu'est-ce que c'est que ça? Non, mais je le dis parce que c'est vrai que, alors déjà, quand on a fait l'annonce sur le Discord, ça, les gens, j'avais dit, vous pourrez pas prévoir, et il y a personne qui a prévu. Peut-être parce que c'est un truc qu'on n'imagine pas forcément venir dans Fin du Game, et pourtant, et je peux vous le dire, c'est vraiment un épisode où pendant les recherches on a appris plein de trucs, donc voilà, ça va être un épisode qui va vraiment coolos sur cette licence qui est monumentale, c'est un des gros trucs du jeu vidéo, et c'est vrai qu'en fait il y a cette espèce d'aura que dans les cercles de jeux vidéo, tu vois, les vrais, c'est un peu du jeu pour les gens qui savent pas vraiment jouer. Et nous, en fait, on n'est pas du tout dans ce délire là, en fait ça nous intéresse pas forcément de se prendre cette approche là. On n'est pas des fans de Call of. Voilà. Parce que moi les FPS de base, de toute façon j'aime pas ça, mais par contre se plonger dans l'histoire de la série, de voir comment c'est devenu le phénomène que c'est fascinant. Donc voilà, nous on s'est vraiment éclaté à préparer cet épisode, on espère que ça va vous plaire aussi, et donc installez-vous, prenez un petit café, c'est la détente, préparez votre M4, mettez votre tenue, c'est le gif dans Commando là, avec Schwarzenegger. Exactement, mettez tout votre équipement. Et on précise au cas où, normalement c'est dans le titre, mais ce sera focus sur Call of Duty 4 Modern Warfare, mais on va parler de toute la licence en fait dans le contexte, puisque j'imagine qu'on parlera pas des 17 épisodes de Call of Duty, installez-vous. Toute l'histoire des Call of Duty, hein, une épisode de 5 heures sur l'histoire de Call of Duty. Mais puisqu'on fera probablement pas un autre Call of Duty, hein, on verra dans quelques années, peut-être qu'il y a un nouveau qui sortira. Mais voilà, en tout cas, jamais c'est pas dire prévu. Jamais. Exactement, voilà. Sky is the limit. Hein, donc, on ne sait pas. Très bien, bon, on se retrouve juste après ça. Hot off the heels of Call of Duty 2. The Infinity War team has been developing Call of Duty 4 Modern Warfare. We're making a more sophisticated, deeper Call of Duty experience. Variety is the next big thing for us. We're going deep, and we're going hard. The weak man may be careful not to soil himself when he plays this game. Hitting the mind in time, you'll find my lines combining the twine, underline, rhyme divine. No rhyme, you go against me, and it whip me. Think I'm lying, come and get me. Ha, Sergeant Briggs, reporting for duty. Roger. Some say this belong in the movie, but this the third installment, Infinity Ward shit. Don't soil your drawers, cause it's deep in his heart, bitch. Ready for action, 50 cal, start the clapping. Four horsemen kicking the rerun, asking what's happening. Too late for all that flapping, out their gates with all those back then. This one's from McMillan, 15 years you have relaxed. Now it's time to settle the score, we ready to war. As a guest on board, my tribe a war tour. And this the third installment, Infinity Ward shit. Don't soil your drawers, cause it's deep in his heart, bitch. All in Marines, stay frosty. Briggs. Hello, Alistair. Are either good Russians or the bad Russians? Briggs. Hold fire! Briggs coming out! Alors, Call of Duty 4 Modern Warfare, c'est sorti le 5 novembre 2007, c'est sorti sur PC, PS3, Xbox 360, c'est développé par Infinity Ward et édité évidemment par Activision, et on va revenir un petit peu sur l'histoire de cette série, comment elle est apparue, et ce qui est assez amusant, c'est qu'elle n'a pas apparu chez Activision, en fait, le début vraiment de Call of, c'est chez Electronic Arts que ça se passe. Ouais, et alors, pour préciser avant, je vais quand même dire que je vais beaucoup paraphraser, me reposer sur un autre bouquin qui est celui de Sébastien Delahaye, que vous connaissez peut-être sous le pseudo Ned Sabes de l'époque où il travaillait pour Canard PC. Le nom du bouquin qui est trouvable complètement gratuitement, hein, format PDF, liseuse, médium, c'est comme vous voulez, et qui s'appelle donc Call of Duty, les coulisses d'une usine à succès. Et comme tu l'as dit, pour parler de Call of Duty, il faut commencer plutôt parler de Medal of Honor, un autre FPS militaire dont vous avez peut-être entendu parler, édité par EA, comme tu l'as dit. Le premier est sorti en 99 sur PlayStation, le deuxième sort en 2000 sur PlayStation, et c'était à l'initiative, entre autres, de Spielberg, il y a toute une origin story aussi assez connue. Mais Medal of Honor, on va dire que ça commence, entre guillemets, vraiment dans l'imaginaire public en 2002 avec Medal of Honor Allied Assault, qui était l'occasion pour EA, en fait, de porter la licence sur PC, puisque jusque-là c'était que sur console, et ils ont fait appel à un autre studio, un studio qui n'appartient pas à EA, qui s'appelle 2015. Donc voilà, quand je dis 2015, c'est pas une date, c'est un studio. 2015 Incorporation. Ouais, pour être précis. Et comme dit, hein, c'est un carton. Le jeu marche vraiment très bien, et vraiment dans l'imaginaire aussi collectif, il offre vraiment des scènes très connues, notamment inspirées du soldat Ryan. Hein, il y a vraiment le vrai, entre guillemets, le vrai débarquement en Normandie, etc. Enfin, c'est un jeu qui a eu beaucoup d'impact. Et il y a eu des discussions entre 2015 et EA, mais qui n'ont pas abouti pour qu'ils continuent à collaborer ensemble. Et donc finalement, EA va continuer à surfer sur le succès de Medal of Honor, mais en interne, avec des studios en interne. Et du coup, 2015 est un petit peu laissé sur le bord de la route. Et du coup, pendant ce temps, que se passe-t-il en parallèle, il y a quelqu'un qui passait. Il y a quelqu'un qui passe, c'est Activision. Et pour recontextualiser un petit peu, donc Activision, c'est un éditeur, on va pas refaire toute l'histoire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que fin 90, début 2000, c'est un éditeur qui déjà publiait, voire éditait des FPS et qui se mettait à grossir, qui avait racheté pas mal de studios, notamment donc Eversoft, qui était connu pour les Tony Hawk. Il y a Treyarch, Raven Software, qu'on connaît pour Heretic, Exen, d'autres jeux, je crois que peut-être Benoît. Oui, mais en fait, ils ont fait Soldier of Fortune aussi, donc qui fait partie quand même des FPS qui avaient marqué leur époque, parce que c'était le premier jeu où il y avait de la localisation des dégâts. Voilà, tu pouvais tirer sur la tête des bonhommes ou sur leurs bras, et des fois, tu avais le bras qui sautait comme ça. Ça avait fait plein d'articles, hein, parce qu'à l'époque, dans le jeu vidéo, il nous fallait pas grand-chose, on était des gens simples. Mais oui, c'est ça. C'était une autre époque. Avant, voilà. C'est beau l'histoire du FPS, quand même. Hein. Et dans les autres studios, il y a aussi Grey Matter, qu'on peut mentionner. Ils avaient fait Return to Castle Wolfenstein, que j'avais fait, qui est sorti en 2001, que était cool, moi j'avais bien aimé. Mais bref, voilà, donc on a Activision qui grossit, qui achète des studios, qui se penchent sur le FPS, et là, ils se disent, attendez, le studio qui vient de faire le jeu, le FPS super connu, qui a cartonné et tout, il est dispo, très bien, il débauche une vingtaine d'employés. Je pense que ça constitue une bonne majorité à l'époque de 2015. Et ils fondent donc Infinity Ward avec eux. Mais il ne s'arrête pas là, puisqu'il va encore, en plus de ça, débaucher d'autres employés de chez EA, cette fois, des gens qui ont bossé aussi sur différents Medal of Honor. Puisque Medal of Honor, entre 99 et on va dire 2003-2004, il y en a pas mal qui sont sortis. Il y a eu des extensions, des versions console, versions PC. Donc beaucoup de gens ont travaillé sur Electronic Arts a toujours été Electronic Arts. Et donc, Donc il y a d'un côté Infinity Ward, fondé avec des anciens de Medal of Honor Allied Assault, et de l'autre il y a Spark Unlimited, fondé avec des anciens d'IA qui ont bossé sur Medal of Honor. Mm-hmm. Donc on a ces deux studios, c'est ce qu'il faut retenir, et chacun va bosser sur son Call of Duty. Donc Infinity Ward va faire son Call of Duty sur PC, pendant que Spark Unlimited fera son Call of Duty sur console. Et ils ont un objectif clair, c'est vraiment de tuer Medal of Honor, c'est vraiment de faire le MOH killer, de faire leur licence de FPS militaire. Et donc en octobre 2003, on a le premier Call of Duty, c'est bon, on a le nom qui sort donc sur PC par Infinity Ward. Mm-hmm. C'est un succès immédiat, que ce soit commercial ou critique. Et là où ils réussissent encore plus, c'est que bah, en face, Medal of Honor commence un petit peu à vaciller. Ouais, voilà. Ouais. Voilà, l'extension de la Assault ne marche pas très bien, le prochain non plus, c'est Soleil Levant, je crois. Voilà, il n'atteint pas les sommets en fait, de Allied Assault. Par contre, l'autre studio qui bossait sur son Call of Duty, donc Spark Unlimited, eux, ils galèrent vraiment, ils ont vraiment du mal. Activision doit venir en renfort, ils investissent plus d'argent que prévu, ils fournissent des ingénieurs, ils sous-traitent une partie du développement, alors que ce n'était pas voilà, prévu dans le contrat, c'est un peu la, entre guillemets, la catastrophe. Fini quand même par sortir en 2004 Call of Duty Finest Hour. C'est pas le 2, hein, juste pour préciser non. Que vraiment, c'est deux Call of Duty différents. Ouais. C'est le premier Call of Duty qui sur est différent, console, en fait. Voilà, sur ouais, console. Voilà. Hein, c'est lui, ça, il ouais. est sur console, donc c'est deux branches de Call ouais, of Duty ouais, hein, différentes. Voilà, c'est ça, ouais. Et c'est pas un portage à la console, la version PC, c'est vraiment un autre jeu. Et donc lui, il se vend bien, parce que bah, Call of Duty, c'est un nom quand même. Ouais. Voilà, la y a une marque demande a déjà réussi FPS. À s'imposer, ouais. même avec un seul épisode. Mais voilà, côté critique, c'est pas la folie. En 2005, déjà, vraiment, il y a que deux Call of Duty qui sont sortis. Ben, Activision annonce déjà que tous les ans, il y en aura un. Il annonce l'annualisation de la série. C'est parti. J'aime bien comme, tu sais, c'est bon, ok, on y va. Allez, c'est parti. Ouais. Maintenant, il y en a un tous les ans, bah, et on s'arrête. C'est ça, c'est assez fou, parce que tu te dis, ben, n'importe quel studio qui galère avec un portage console, en général, ça finit très mal. Activision, ouais, ouais. en fait, ils ont sorti le chéquier. Ils ont mis tous les moyens sur la table pour réussir à faire quelque chose et derrière ils se démontent pas, ils se disent bon bah vas-y on en fait un tous les ans et de fait depuis depuis Call of Duty 5, 2 ouais. en fait ouais. on a un épisode par an de Call of Duty. Et du coup bah 2005 donc même année de l'annonce de l'annualisation, il y a donc le fameux Call of Duty 2 qui sort toujours fait par Infinity Ward. Par Infinity Ward ouais. et non seulement il le sort sur PC mais aussi sur console, c'est un carton. Infinity Ward confirme vraiment en fait son statut de studio bah, voilà, qui est vraiment plus que compétent en fait, pour faire les Call of Duty. De son côté, Spark Unlimited a été écarté de la licence puisque voilà, ils ont vraiment trop galéré, dépassé voilà, tout ce qui est budget et tout, et ils sont remplacés par Treyarch, donc un des studios où, je l'avais qui mentionné, avait été racheté un petit peu ouais, qui a été racheté plutôt et qui a absorbé aussi Grey Matter qui était voilà, un des deux autres studios rachetés. Dans les anecdotes du bouquin, voilà, il y a eu du coup du rififi entre Spark Unlimited et Activision parce qu'ils s'étaient mis d'accord en contrat, qu'ils allaient éditer d'autres jeux, enfin bref, voilà, je vous laisserai découvrir tout ça. Il y a plein de jeux de pouvoir comme ça, ouais. entre les studios, Activision qui fait un peu sa tambouille pour dire qui réussit, qui sait qui sort le bon truc, etc. Donc vraiment, il y a plein de petites choses comme ça qui ouais. sont passées en interne. Ça c'est très classique. C'est très classique. Il y a beaucoup de mises en compétition, surtout sur des licences porteuses comme ça. Donc bah, il y a des contrats qui sont négociés. Du coup, voilà, il y a le côté un peu les petites lignes, genre oui, mais vous aviez promis qu'on ferait ceci ou cela. Ouais. Bah finalement, derrière, ils négocient. En gros, bah, ça se finit toujours avec un chèque. C'est ça. Bien le chèque d'Acti. Bien le chèque d'Acti, ouais, bah ouais. Bien le chèque de Microsoft. Ah non, c'est après ça. Et on peut le noter d'ailleurs, enfin, c'est dans Call of Duty 2 qu'on aura pour la première fois dans la licence la vie qui se régénère, qui ouais. se régénère automatiquement, et truc qui sera adopté en fait par plein d'autres FPS militaires et bah, qui deviendra le signe aussi de la licence Call of Duty, hein, tout simplement, puisque jusque là on récupérait des gourdes ou des packs de soins et là non, il suffit de se planquer et c'est bon. Et pendant ce temps, bah, chez la concurrence, hein, chez Medal of Honor, chez EA, bah, voilà, ça marche pas, hein. Medal of Honor continue vraiment de ne pas atteindre les mêmes sommets que Call of Duty, mais il y a un petit, alors il n'est pas tout à fait nouveau, mais il y a Battlefield 2 qui est le nouveau, qui est bah, le 2, mais le premier s'appelait 1942, c'est pour ça que dans ma tête voilà, okay. mais qui est dans un setting moderne et qui marche très bien sur PC. Et voilà, setting moderne, ça marche bien, voilà, c'est peut-être une idée à garder pour plus tard, parce que bah, c'est vrai qu'en fait, là quand même, on est en 2005-2006 et je pense que des FPS militaires pendant la Seconde Guerre mondiale, on en a déjà eu une sacrée quantité. C'est vraiment une caricature à ce stade-là, quoi. Oui, parce qu'en plus, ben, y a eu le coup du débarquement, ça faisait partie des gros arguments de Medal of Honor. Voilà, vous allez revivre le débarquement. On avait effectivement tout le cinéma où il y avait les époques, il y a eu toute une époque de films sur la guerre. Et il faut bien se rappeler que le FPS, ça a commencé déjà avec Wolfenstein. Donc bon, voilà, des Allemands, on en avait tué quelques-uns. Et finalement, ben, je pense qu'il y avait un petit peu de redondance. Les gens avaient envie d'autre chose. Mais bon, quand même, en novembre 2006, donc Treyarch, les nouveaux venus sur la licence Call of Duty, ils sortent Call of Duty 3 sur console. Ça marche très bien commercialement, mais côté critique, encore une fois, c'est pas ouf pour les Call of qui ne sont pas ceux d'Infinity Ward. On peut même, en tout cas le bouquin suppose, c'est peut-être qu'ils profitent justement de l'aura en fait, des jeux Infinity Ward et que c'est ça qui leur confie leur force commerciale. Et chose à noter aussi, qui sera un détail très important pour la suite, mais c'est qu'il s'appelle Call of Duty 3, c'est pas développé par Infinity Ward, ils l'ont très mauvaise en fait, qu'ils aient pas eu le droit au sacro-saint 3, hein, ouais, on le sait, pas eu leurs chiffres. Parce que voilà, en général, quand il n'y a pas le numéro 3 ou 4, ça fait un peu extension ou sous Call of. C'était une des guerres un peu de pouvoir aussi avec Resident Evil, où tu sais, il y avait une console qui avait eu le droit au code Veronica, qui n'avait pas eu le droit au 3. Et donc Infinity Ward, la mauvaise, et comme dit, voilà, il faudra retenir ce petit détail. Mais en 2007, eh bien, Infinity Ward, qui a l'air d'être un studio quand même assez indépendant hein, vis-à-vis d'Activision, ils développent un peu leur jeu dans leur coin, et apparemment l'éditeur n'était pas vraiment au courant que ça allait être eh bien, un setting moderne. Vous l'avez deviné, vous avez vu le titre de l'épisode, c'est Modern Warfare qui sort en 2007. Donc ouais, ça sort en 2007, mais bon, le développement commence un petit peu avant, et c'est vrai que déjà, ils avaient des intentions... C'était quand même dans la continuité des autres, c'est-à-dire qu'il y a un des premiers problèmes qui se posent, c'est voilà, comment on fait un setting moderne, comment on fait pour que ça marche, alors qu'avant on a quand même fait des jeux de guerre où bon, voilà, c'était les alliés contre les allemands, les gentils contre les méchants. Ils avaient besoin en fait de garder quand même cette manière de faire, et c'est pour ça notamment qu'ils sont partis sur ce délire un peu fictif, où ils se sont dit bon bah de toute façon on est dans un truc moderne, donc il faut qu'on invente un petit peu notre propre allié, notre force de l'axe. Alors c'est plus tout à fait le même axe, hein, c'est passé vers la Russie et le Moyen-Orient, mais voilà, en gros ça va être les méchants, et de côté c'est les Américains et les Anglais qui seront incarnés, ce qui permet de garder vraiment deux grandes forces qui s'opposent, parce que narrativement bon voilà, c'est plus pratique quoi. Et puis juste dans le contexte, donc il y avait déjà eu la guerre du Golfe en 90 si je dis pas de bêtises, et il y a eu évidemment guerre Afghanistan et Irak en 2001 et 2003 respectivement, donc on était en plein dans ce contexte. Disons qu'il y avait une bonne imagerie à exploiter pour c'est qui les méchants quoi. C'est même plus que ça, c'est-à-dire que vraiment le 11 septembre 2001, ça a traumatisé les États-Unis à un niveau qu'on ne peut pas vraiment imaginer, je pense, en France. Faut vraiment se dire que pour eux, ça a été un truc assez profond. Et donc, fatalement, mettre en scène comme ça des gens au Moyen-Orient, c'était pas forcément évident. C'est-à-dire que d'un côté, c'était les méchants faciles, évidents, mais en même temps, ils savaient que ça allait aussi toucher une corde sensible, parce que pour beaucoup de gens, c'était leur gamin qui était en train de se faire tuer en Afghanistan. C'était aussi toutes les dérives qu'il y a eu autour de cette fameuse guerre qui s'est passée là-bas, avec les fameux WMD, où ils disaient oui, ils ont des bombes, ils en ont pas, on sait pas trop. Les armes de destruction massive, voilà. Donc c'est une période qui est politiquement pour les États-Unis assez particulière. Donc ils savent que c'est touchy et donc ils préfèrent y aller quand même avec un côté fictif. C'est-à-dire qu'il y a des Russes, ça les Russes, on a le droit de taper dessus. Mais par contre, pour le reste, on dit pas des vrais noms. Ouais, c'est ça, hein, vraiment. Il y a une partie du récit qui va vraiment être créée en fiction. Et d'ailleurs, le pays où il y a l'insurrection au début, ça n'existe pas. Enfin, c'est au Moyen-Orient, c'est un pays. Je crois que c'est Rami Ismail qui avait qualifié ça, l'Arabistan ou un truc comme ça. Qui utilisait des mots comme ça pour vraiment, parce que c'est un pays là-bas, vous connaissez, vous avez compris. Évidemment, il y a aussi un travail qui va être fait vraiment avec l'armée américaine. Par contre, là, ça va être bien réaliste, avec des vétérans qui vont être là pour à la fois conseiller sur le sound design, les trucs des armes, mais aussi vraiment pendant la mocap, c'est-à-dire vraiment tous les acteurs qui vont faire toutes les petites pauses pour les animations et tout. Là, il y a vraiment des vétérans qui vont surveiller comment ça se passe pour donner des conseils, etc. Donc, il y a quand même une volonté. S'il y a une partie du récit qui est fictif, par contre, sur les armes, le comportement des soldats, des escouades et tout, là, il y a vraiment une envie de faire du réalisme à fond. Et surtout, pour eux, c'était quand même une aubaine de se mettre sur un truc moderne, parce que là où avant, il fallait se baser sur des ressources, des archives, des trucs, là, ils peuvent vraiment aller demander les gens qui sont concrètement sur le terrain, les vétérans, utiliser des armes actuelles, donc les fabricants d'armes, les tanks. Tout ça, tous les copains, tout le monde est dispo, et donc ça permet d'avoir, en tout cas pour des designers, c'est du pain béni, parce que toute cette ressource là, cette recherche documentaire qui peut être alimentée par des trucs concrets, c'est aussi du blé. C'est à dire que pour le coup, je vous fais votre pub, vous en aviez parlé dans un épisode de Game Next Door où vous avez fait vraiment un gros récap de ce qui se passe dans la FPS. Et il faut savoir que à cette époque là, ça fait déjà quelques années que le jeu America's Army, donc qui était un FPS édité et développé par l'armée américaine, dans lequel on s'entraînait à être un vrai Marines avec des vrais entraînements, etc., était déjà sorti. Et c'est vrai que la mise en avant des armes, des fabricants d'armes et de manière générale de l'image l'imagerie militaire aux États-Unis, c'est un enjeu politique comme un autre, avec ce jeu-là qui est en train de fermer d'ailleurs. C'est une sorte de soft power. Hein, ouais, ouais, bah, dire, très clairement, ouais. c'est de la petite propagande, tu vois, facile à base de vous allez jouer un Marines. Et donc, forcément, pouvoir faire un peu la même chose à travers un jeu où là, c'est un peu plus fictif, c'est tout le monde est content, on va dire. Exactement. Autre point intéressant, c'est que c'est le premier jeu sur lequel il y aura une team complète sur le multijoueur et tout au long du développement. Et bon, on reviendra évidemment sur le multijoueur de Call of Duty par la suite, mais voilà, quand même, gardez en tête que ça aussi, en fait, c'est pas pour rien que ce multi, il a été ce qu'il a été. C'est parce qu'il y avait une team complète dessus. Et puisqu'on parle de team aussi, ce qui est vrai, c'est que bah voilà, on revenait jusqu'à Allied Assault chez EA, mais ce qui est important, c'est que vraiment, les gens qui ont fait ce Call of Duty Modern Warfare, ce Call of Duty 4, c'est vraiment quasiment la même team. Donc c'est des gens qui ont eu l'habitude de bosser ensemble, qui sont vraiment expérimentés à la fois aussi vraiment sur le design mais aussi sur le côté technique, hein, qui savent maîtriser leur moteur et tout. Ils avaient leur propre moteur, hein, Infinity Ward. Donc c'est vraiment une équipe qui est en fait au summum de son truc, qui est vraiment à son prime et qui est là pour vraiment envoyer du bois avec cet épisode. Et ce sera le cas, hein, tout simplement, puisque ce sera un énorme carton. On a compté qu'on était à 16 millions de ventes à ce jour. C'est vraiment pas le plus gros carton, hein, je vous le dis tout de suite, de chez Call of, c'est pas du tout le plus gros carton, mais déjà à l'époque c'est énorme. Ouais. Et puis, c'est ça, faut le remettre dans le contexte, c'est-à-dire que 2007, la PlayStation 3, ça fait pas si longtemps que ça qu'elle est arrivée. Tu as raison de le dire. Ça fait qu'un an qu'elle est là. La Xbox 360 marche très très bien, elle a eu une très grosse année, elle a eu des très grosses années. Gears of War est déjà arrivé, il y a eu BioShock, enfin, c'est vraiment la période en fait où cette génération de consoles est en train de monter en puissance et Call of Duty 4 arrive vraiment à ce moment-là, avec une fameuse démo. C'est vraiment mon premier contact avec Call of. J'avais fait les anciens Call of où ça se passait en Russie, machin. Mais la démo, du jour au lendemain, t'as toute ta liste d'amis qui se mettent à jouer à la démo de Call of Duty pendant le week-end. T'essayes et tu vois que ça marche tellement bien que tu précommandes le jeu. Et le jour de la sortie, j'ai fait comme plein de gens et je suis allé acheter mon Call of et j'y ai passé quelques mois. Oui, parce que même quand ça sort, en plus graphiquement et tout, enfin, c'est le jeu il tourne super bien, que ce soit sur PlayStation 3, que ce soit sur Xbox, soit sur PC. Enfin, vraiment, le jeu il sort, c'est une cartouche immense et il va vraiment alimenter, ouais, comme tu le dis, le début de cette génération et se marquer comme une des grosses références à posséder si t'achètes une PlayStation 3. Et moi, c'est ce qui est arrivé, hein. Je me souviens, j'ai acheté ma PlayStation 3 l'été 2018, donc ça faisait un petit moment qu'elle était sortie. Les deux jeux que j'ai acheté 2008, pardon, excuse-moi, ouais. Et les deux jeux que j'ai acheté, c'est GTA 4, Call of Duty 4. Voilà, c'est les deux jeux que j'ai pris. Pour moi, c'était les indispensables à avoir sur console. Et comme on l'a dit, c'est un setting moderne en fait. Ouais. Et en dehors de toute préoccupation politique, ça fait juste changer d'endroit. Ça convoque d'autres imaginaires qu'on voyait moins dans le FPS. Alors il y avait eu quelques FPS mais pas très connus, hein, pour la première guerre du Golfe, mais tu sais, le côté désert, il y a d'autres architectures au Moyen-Orient et tout, et c'est tout bête, hein, mais ça fait la diff. C'était une des raisons pour lesquelles aussi on en avait parlé, je crois c'était pour Soldats Inconnus, on disait que la Seconde Guerre mondiale elle est plus populaire que la première, ne serait-ce que parce que t'as plein de paysages différents, ça se passe dans plein d'endroits différents, et ça c'est important. Et il y avait déjà une sorte de lassitude, c'est-à-dire que vraiment setting de la Seconde Guerre mondiale pendant 6-7 ans, il y en avait des jeux tous les ans, parce que là on a parlé que de Medal of Honor et de Call of Duty, mais il y avait tout un tas de séries périphériques jeux plus ou moins différents. C'est-à-dire que il y avait des trucs, il y a eu tout un tas de jeux Des trucs plus tacticaux, des trucs plus réalistes. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Il y avait des approches un peu plus tactiques avec les Rainbow Six, il y avait les Delta Force, il y avait plein de jeux en fait qui tournaient autour de ça. Et donc Call of Duty, ça paraît bizarre de dire ça, ils arrivaient avec une proposition originale. Ouais. Même si on peut noter quand même qu'en 2007, alors globalement 2007 c'est une grosse année pour le jeu vidéo occidental. Bon, pour le faire très vite, je crois qu'on l'a déjà dit, mais il va y avoir c'est le premier Uncharted, c'est le premier Assassin's Creed. Une année avant ça, c'était Gears of War. Il y a BioShock. Il y a BioShock. Mais du coup, côté FPS, on note aussi une certaine variété, puisqu'il y a Team Fortress 2, BioShock, Halo 3 qui était très attendu, Stalker, Crysis. Donc bon, pas que des FPS militaires non plus. Mais c'est vrai que, comme tu dis, c'est que on a bouffé beaucoup de FPS militaires. C'est ça se libère un peu, on va dire, vers 2007 ou quoi. Mais bon, Call of Call of a réussi à se poser en novembre, hein, c'était déjà la date clé, la période ils ont tout compris, clairement ils sont arrivés ça a été un énorme carton. On peut juste noter, côté Metacritic, c'est entre 92 et 94 en fonction de la plateforme, ce qui est excellent. Et jusque là c'était plutôt entre 85 et 90, je crois, donc on a encore step up un petit peu, tu vois, côté critique, hein. On va pouvoir enchaîner avec l'histoire de ce Call of Duty 4. Et c'est Benoît qui va nous narrer cette grande épopée, cette odyssée qui se déroule à la fois dans les États-Unis, sur l'océan, entre l'Angleterre, les États-Unis. Non, mais c'est vrai que moi, j'ai refait la campagne parce qu'en fait, j'avais quasi aucun souvenir de cette campagne. J'ai tellement passé de temps sur le multi que la campagne me semblait, tu vois, un truc assez distant. Ce qui est assez drôle à noter, c'est qu'on avait cette image un peu que les Call of Duty ça dure 2-3 heures et c'est tout. Et non, la campagne du 4 elle est assez longue. Je crois que j'ai mis quasiment. Un peu plus, parce que moi je suis vraiment pas bon au FPS donc je suis mort un paquet de fois. Mais voilà, ça fait son petit temps et surtout c'est plutôt bien foutu. Donc pour le setting, on est en fait en 2011. Il y a une guerre civile qui éclate en Russie. Il y a également un coup d'état en parallèle qui se fait dans un pays du Moyen-Orient qu'on va d'ailleurs vivre de l'intérieur. Hein. C'est la fameuse séquence où on est en voiture et on va incarner le président de ce pays qui va se faire tuer. Évidemment, un coup d'état au Moyen-Orient. La réaction instantanée, c'est les États-Unis envahissent le pays. C'est comme ça, on ça fonctionne. Les problèmes. Il n'y a plus de démocratie. La World Company. Qui est là pour la démocratie? Les États-Unis. Exactement. Voilà. Merci. Et donc, ils vont évidemment chercher à capturer en fait le leader de l'insurrection qui s'appelle donc Khaled al-Assad. Il n'y arrive pas et rapidement en fait dans le jeu, nous on se trouve au tout début avec des soldats britanniques qui vont prendre d'assaut un bateau, etc. On va apprendre qu'il y a des histoires d'armes nucléaires avec des trucs écrits en arabe dessus. Alors évidemment, ça fait peur. parce que, voilà, souvenez-vous, la somme de toutes les peurs, les films Tom Clancy, etc. Et nous, on va incarner donc, un soldat britannique qui s'appelle John McTavish. J'avais complètement oublié son vrai nom, parce que c'est Soap. Rentré dans l'histoire comme étant Soap. Il est dans une escouade qui est dirigée par le capitaine Rouflaquette Price, qui est très connu. Et donc, ils prennent ce bateau d'assaut. On va avoir des informations. Ensuite, ils vont essayer d'avoir plus d'informations sur cette arme nucléaire. Ils vont essayer d'aller libérer un informateur russe. Nikolai. Il faut les récupérer, Nikolai. Oui. Parce que, évidemment, le Moyen-Orient, il faut le savoir, dans la géopolitique, ça veut dire qu'il y a les Russes qui sont pas très loin. Ils vont apprendre des informations là-dessus. Ils se rendent compte qu'en fait, le Al-Assad en question, il a des armes nucléaires qui ont été fournies par les Russes. Donc, ça fait peur. Et oui. Voilà. À partir de là, j'ai écrit nucléaire. En russe et en arabe. C'est fini. C'est la doublette. Ensemble. C'est le front. c'est pas possible. Donc, évidemment, les forces américaines se disent ce n'est pas possible, on ne peut pas les laisser avoir comme ça une indépendance, il faut prendre le contrôle de ce pays-là. Et donc ils vont prendre carrément d'assaut le palais dans l'Arabistan, donc on a dit, où serait retranché le fameux Al-Assad. Là on incarne un Marines. Et là on passe en Marines, mais lui il n'est pas, je ne sais pas s'il est nommé d'ailleurs, il ne me semble pas, il a peut-être un nom de code. Il a un nom mais, qui doit être marqué, genre il est mort mais, à un moment. Mais de toute façon ça ne dure pas très longtemps. Parce qu'en fait va y avoir pas mal de péripéties dans cette ville-là. En fait il y a une bombe nucléaire qui explose à l'issue de cette mission-là. Et évidemment, toute la ville est détruite. Et donc, on repart chez les Britanniques avec d'autres informations sur Al-Assad, parce que c'est vraiment le type qu'on cherche. Il se serait caché en Azerbaïdjan. Là, d'un coup, il y a des vrais pays qui font apparition dans ce truc-là. Et ils vont interroger le type, parce qu'ils arrivent à le capturer. Il y a toute une séquence, d'ailleurs, où vraiment on met des grands coups dans la tronche. C'est 24. Captain Price fait la torture, et un petit peu à côté. Et t'as le fameux coup où il reçoit son petit coup de fil et il se retourne et il lui met une balle dans la tête direct. Parce que pour la précision, en fait, ils savent pas encore pour qui ils bossent vraiment. C'est ça. Et c'est l'information qu'ils essaient de soutirer. Et là, son téléphone sonne, donc à Al-Assad, il décroche. Et en fait, c'est le mec qui doit dire ouais, salut, c'est le méchant. Et du coup, il fait c'est bon, on a l'information. et il l'abat. Tu sais, c'est un peu. Alors, ça, c'est le plot twist typique du JRPG où en fait, t'as le méchant du début du jeu. Tu sais, tu te dis en fait, c'est pas les vrais méchants, c'est pas la Shinra, c'était Sephiroth. Et donc, le vrai méchant, c'est un russe, Zakaev, évidemment. C'est là qu'on a le flashback, je pense. C'est à peu près par là qu'on va avoir un flashback, parce qu'effectivement, le capitaine Price a déjà essayé de tuer ce type-là, Zakaev, qui est un ultra-nationaliste. Il y a toute une mission à Tchernobyl où on, avec le sniper, etc., on va revivre ça. Il n'arrive pas à le tuer. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va capturer le fils du russe pour le forcer à révéler un petit peu la position de son papa, savoir un petit peu ce qu'il en est. Mais au moment où on court, c'est la mission où on poursuit le type dans le bâtiment. Au moment où il est vraiment au bord d'un précipice, enfin il est en haut d'un bâtiment, et je me suis dit il va se jeter dans le vide, et non, plot twist, en fait il se tire une balle dans la tête. Voilà, parce qu'il donc, ne balancera pas son père. Voilà, c'est ça, snitches get stitches. Hein, c'est donc là on va ça. Évidemment, papa il est énervé. parce qu'il est là. Bah, alors attendez, vous avez tué mon fils et en plus de ça, moi j'ai des bombes nucléaires. Alors, donc qu'est-ce que je fais? J'envoie des bombes nucléaires sur les États-Unis. Mais je mets un countdown. Et oui, je ne les lance pas tout de suite. Tu sais, c'est Austin Powers, c'est toujours le grand méchant. Non, le missile est vraiment parti. Oui, il faut intercepter. Il y a des trucs pour changer ses coordonnées. Non, en plus, c'est pas lui qui met le compte à rebours, c'est les États-Unis qui mettent le compte à rebours. Cette caricature éhontée, cette condescendance. Mais le fait est que, en gros, la mission, vraiment là, on est dans le dernier tiers du jeu, ça prend vraiment une intensité énorme. En gros, on doit réussir à prendre d'assaut le site de lancement des missiles nucléaires pour arrêter en fait le missile en plein dans sa course et le faire tomber dans la flotte pour pas qu'il explose. On va y arriver. Que les poissons qui vont mourir. Oui, mais c'est pas grave. C'est pas très grave ça. Et donc on y arrive, heureusement. Le truc c'est que les forces russes en fait prennent d'assaut ce site là et c'est vraiment la mission où là ça pète dans tous les sens. Il y a des hélicos, des camions, etc. Notre unité britannique se fait quasiment défoncer. À 100%, on est vraiment quasiment mort. Hein. On joue comme ça, il est au bord de la mort, il est par terre. On voit Zakaïev. Capitaine Price au loin, comme ça, qui est pas bien. Il a pris une bastos aussi. Putain, je vais pas m'en sortir. Et là, comme d'habitude, il suffit de respirer pour revivre. Et là, ça ne marche pas. Moi, j'ai pleuré. Hein. Non, mais tu vois Zakaïev qui est en train de les animer par un. Il y a un hélico qui passe et il se prend un gros missile, donc ça le détourne l'attention. Price en profite pour jeter un pistolet au à Soap. Il le fait glisser. Et toi, tu le prends, gros ralenti, et boum, tu lui mets une bastose dans la tête. Ça y est, Zakaïev, c'est fini. Et bien sûr, après, il y a les forces qui arrivent, des petites cordes qui débarquent. Et ça, il y a les gentils russes qui viennent t'aider. Ah, c'est des gentils russes. Oui, c'est les gentils russes qui viennent t'aider. Ils te mettent sur une civière, ils te disent ça va bien se passer. Oui, ils sont pas tous méchants. D'accord. Mais Zakaïev, c'est un méchant russe. Oui, c'est un ultra-nationaliste. Parce qu'en fait, il faut savoir, c'est comme les chasseurs. Il y a les bons russes et les mauvais russes, hein, c'est connu. Et il y a un petit suspense aussi sur la vie ou la mort de Price, parce qu'on le voit, il y a du massage cardiaque qui est en train de se faire et on ne connaît pas l'issue parce qu'on se fait emmener dans l'hélicoptère. Et en plus, la fin en fait, ne donne pas d'infos là-dessus, parce qu'en fait, la fin du jeu bascule sur la voix d'une présentatrice d'émission télé où en fait, ils sont en train de. On a la version officielle du gouvernement de ce qui s'est passé. C'est des manœuvres russes qui se sont mal passées. ils vont pas envahir l'Ukraine, tout va bien. Tout va bien. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de mises en. Tu sais, avec les médias, parce qu'il y a quand même cette mission dans les médias. Entre les briefings de mission, il y a des BFM TV qui passent, voilà, qu'est-ce qu'ils disent, machin, etc. Donc il y a toute cette mise en. Ils essaient de montrer, en fait, à l'échelle du. Voilà, comment ce serait traité, en fait, de manière moderne. Et c'est vrai que, la retransmission, qu'est-ce qui se passe, les opérations, voilà, c'est. Et ils ça, essaient de mettre ça dans. Et ça, c'est, en fait, c'est hérité de la première guerre en Irak, où justement, dans les années 90, c'est vraiment l'imagerie de la guerre qui s'est passée à la télé. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui se faisaient tuer et le soir aux 20h, tu étais CNN avec ton popcorn et ton hamburger d'américain et tu voyais les caricatures de. Mais bien sûr, on y va jusqu'au bout. Popcorn hein. Et de burger d'américain. Parce que les Américains, ils ont c'est comme nous, on a que des croissants et des baguettes matin, et des escargots. Ils ont des burgers. Exactement. Des escargots quand même. Petit côté un peu quand même, les médias mentent ou alors le gouvernement a menti aux médias, ils ne savent pas. Donc je sais pas ça dans quelle mesure c'est. Voilà. Il y a un côté, c'est pas complotiste, y a un côté, tu vois, mais... c'est pas tant complotiste, c'est qu'il y a un côté, il couvre la guerre et forcément il y a déjà un petit peu ça il y a ce côté où forcément la vérité, ce qui se passe sur le terrain n'est pas vraiment montré de cette manière là c'est que ceux qui jouent qui peuvent l'avoir. Il y a de toute façon depuis la guerre du Vietnam pour les États-Unis mais particulièrement la guerre en Irak, c'est vrai que le rôle des médias est devenu prégnant, donc c'est pas choquant qu'ils présentent ça de cette manière là dans Call of Duty 4. Et à la fin, on a sauvé le monde de toute façon. Voilà, tout simplement, et c'est ça qui compte. Et je pense que c'est bien de le présenter comme ça parce que vraiment, du coup, nous, ce qu'on a attiré, c'est que vraiment, il faut une histoire très hollywoodienne. Hein. Je l'avais dit, ils avaient envie de faire deux forces qui s'opposent parce que narrativement, c'était plus facile. Et là, vraiment, c'est le traitement de la guerre, vraiment sauce Hollywood. Il y a vraiment un sauvetage du monde à la fin, etc. Donc, on est vraiment sur un truc hyper classique et pas très subtil comme ça. Mais sauce Hollywood, et comme on l'a déjà dit, mais ce qu'il y a de nouveau, c'est que c'est au Moyen-Orient quand même, ça prend vraiment place dans des guerres qui sont très contemporaines. À l'époque, on est en pleine guerre d'Irak, c'est quand même... ça suffit, en fait, entre guillemets, à faire de la nouveauté, même si, comme tu as déjà dit, il y a tradition et modernité, on reste dans de l'opposition gentil versus méchant, et ça bouge pas. Et puis même, en termes de narration, tu vois, c'est vraiment l'héroïsme, de quelques individus qui vont vraiment régler le truc, tu vois, parce que Soap et Price, là, je veux dire, ils ont fait tout le taf, ils ont carry tout le truc, bien sûr. Et c'est eux qui ont Mais en même temps, ils sont immortels. Oui, bah oui, oui. Non, mais forcément, ils c'est cheat, facile. Ils cheat. Bah, exactement. C'est les SAS, c'est les Anglais, ça. Ouais, hein, ils ouais, meurent jamais. Ils se prennent des balles et ils meurent pas. Alors, donc, c'est vrai qu'il y a vraiment ce côté-là. Et puis, effectivement, les adversaires, voilà. Les méchants russes, ultranationalistes, le pays fictif du Moyen-Orient. Il y a vraiment ce, voilà, cette manière de dépeindre l'ennemi et de projeter voilà, tout le truc méchant pour un public américain. Hein, parce que c'est, ça, c'est bien c'est, ça qu'il faut je rappeler. Je pense pas, hein. Tu vois, on est, même si on en rigole, parce que c'est marrant a posteriori, mais on n'est pas dans. Eux, ils sont pas forcément dans une espèce de caricature. C'est-à-dire que bah, c'est aussi leur bagage. Je veux dire, n'importe qui a grandi aux États-Unis, il y a eu plus ou moins, ils ont connu soit la fin, soit une partie de la guerre froide. Mmh. Donc les Russes, dans l'imaginaire américain, oui, oui, c'est oui, les méchants, c'est pas très compliqué en fait. Hein. Et puis c'est des refs de cinéma, hein, tout c'est simplement. Ça, hein. Hein, vraiment, mmh. Ils vont reprendre une imagerie qui est connue bah, pour faire un blockbuster. Tous les James Bond, les machins, le nombre de films qui ont fait du russe, le méchant, t'entends quelqu'un avec un accent russe, tu vois, Kokoï nomme, et voilà, ça y est, boum, c'est un méchant. Et c'est vite fait l'occasion de le mentionner quand même, mais dans Modern Warfare 2, la fameuse mission où on tire dans la foule ou pas, c'est le joueur peut choisir, c'est des Russes qui sont des terroristes. Mais en tout cas, il y a aussi vraiment ce côté, là on dit, ça sert un peu, enfin c'est très américano-centré, il y a ce côté aussi, le jeu est assez fantasmé, il sert une version fantasmée hein, de la guerre, un truc tout bête, hein, il n'y a pas de civils, donc quelle que soit la mission qu'on fait, on est parfois dans des villages ou dans vraiment des villes du Moyen-Orient, il y a des habitations et tout, mais non, il n'y a que des soldats, il y en a beaucoup, c'était une ville de soldats. Tu crois jamais d'habitants, il n'y a jamais de moment où tu te questionnes sur est-ce que c'est des habitants de machin, enfin, c'est tout le temps des bons adversaires, ils ont bien leur turban, leur machin, leur calache, c'est bon, pas de problème. Et là où pour moi je parle vraiment de fantasme, c'est quand, parce que moi l'histoire en fait t'es pas vraiment obligé de la suivre, c'est le côté arme nucléaire et tout, en fait moi je l'avais pas vraiment compris suivi jusqu'à ce que je vois vraiment l'explosion nucléaire. Ah, ça a pété. Mais là tu dis en fait, comme tu le disais, c'est qu'il y avait les armes de destruction massive qui étaient le prétexte en fait pour envahir l'Irak, et il s'est révélé que c'était faux en fait, il y en avait pas, alors que là on le sait depuis le début, c'est officiel, il y a vraiment la bombe nucléaire, c'est vraiment des méchants, il y a pas de souci, on peut les envahir, c'est complètement justifié quoi. Moi ce qui m'a marqué quand même, c'est un peu la mise en scène, parce que tu parlais un peu de la mission, voilà, au début on est dans la voiture, on est le président, on va se faire tirer dessus dans la tête. Il y a la séquence où l'explosion nucléaire, on la vit de l'intérieur via le point de vue du Marines. Ils ont quand même, même cette science un peu, encore une fois, c'est sauce Hollywood, mais en mode FPS. Et moi, je me souviens qu'à l'époque, j'étais quand même dedans, tu vois. Quand t'arrives avec Price, son petit cigare dans l'hélico et tout, il fait noir, c'est la nuit, on met les masques, on rentre dans le tanker, on commence à tuer des mecs qui dorment et tout. Enfin bref, il y a une mise en scène comme ça du FPS, et tu sais, un peu opération spéciale, mais c'est quand même un peu la guerre qui marche bien. Il y a une science du rythme et de l'action, en fait, qu'on vit, qui est vraiment impressionnant. Et comme tu dis, la scène du tanker, tu vois, je me rappelais pas, mais tu vois tout le passage où au bout d'un moment ton horizon qui commence à pencher et tu te rends compte que t'es dans le bateau et que tu vas couler, tu dois te barrer en courant. Même si c'est un peu comment on pourrait dire, factice, parce que effectivement voilà, bon, on s'en sort et tout, mais ça fonctionne bien, tu sens tout le temps cette situation d'urgence. À aucun moment donné, le jeu, il te laisse des moments pour respirer. Même quand tu vas rencontrer Price la première fois, tu sais, t'as la fameuse séquence où tu vois son petit. T'as l'espèce de rideau de fer là, qui se lève et tu vois Price avec sa clope, du genre, hey, salut petit bonhomme, tu vas nous faire ton entraînement. Ouais. Même la séquence d'entraînement, ils te mettent un petit compte à rebours pour que tu essayes de te battre, d'aller le plus vite possible. Donc le jeu est tout le temps dans une fuite en avant et qui fait que ça amène à un rythme effréné. Bah ouais, vraiment le point fort du jeu, parce que bon, autant moi je l'ai découvert, hein, je l'avais pas fait à l'époque, là je l'ai découvert en 2022, ouais, il y a des trucs, bon, c'est vieillot, tu vois, globalement. Mais le rythme, effectivement, marche toujours bien. Y a vraiment déjà cette alternance entre Moyen-Orient, Commando, tu vois, de Price. Les Marines ou les SAS, ouais. Les transitions marchent aussi très bien. Comme tu disais, vraiment le côté fuite, enfin fuite en avant, en tout cas, t'es toujours dans l'action. Parce que tu vas avoir ces visions un peu satellites entre les deux. Tu passes du Moyen-Orient, hop, à l'Europe de l'Est, slash Russie, ça dépend. Et ça part en zoom Google Earth, en fait, où vraiment du haut, hop, ça va zoomer sur ton corps de commando, t'es, hop, c'est bon, tu repasses en vue FPS et tu vois les mecs devant qui partent en courant. Et en fait, bah, go quoi. Enfin, tu les suis. Oui, il n'y a pas de briefing, il n'y a pas de machin. Enfin, le briefing se fait pendant l'écran de chargement et ensuite, t'es. Moi, je trouve que vraiment, les briefings, ils sont vachement bien foutus. Enfin, tu sais, l'interface, les petits trucs, t'as les petits logos, SAS, machin, Tintin, t'as des trucs, tu sais. Tu sais, quand il y a la mission coop, tu sais, où ça met, tu sais, t'as les deux logos, genre Marines et SAS, tu vois, qui se rencontrent, genre opération combinée et tout. Donc, tu sais, il y a tout vraiment. vraiment tout ce folklore comme ça du ce travail, tu sais, sur les interfaces, c'est un truc qui est vachement intéressant parce que c'est du design, comment ça, c'est du motion design, et c'est vraiment très bien foutu parce que ça attire l'œil, tu vois bien ce qui se passe, tu comprends les trucs. T'as les tanks, tu sais, qui avancent sur les modèles 3D, les canons où tu vois, ça c'est du 58 mm ou je sais pas quoi. J'allais dire, il y a du gun porn. Évidemment. De ouf. Enfin, je trouve qu'il y a toute une imagerie comme ça qui est mise pendant les briefings. Et tu sais, comme le dit Max, t'as ce zoom qui est vraiment un effet qui marche super bien où hop, tu ratterris dans les bottes de ton troufion et c'est reparti. Et t'as vraiment un truc, ouais, t'as cette énergie, t'es galvanisé. Voilà, moi je comprends. Et on y va la fleur au fusil. Hein. Et comme dit, il y a vraiment ce ping-pong où environnement, Moyen-Orient, guerre, des tanks, enfin c'est vraiment le bordel, t'es avec des soldats et tout. Et l'émission commando où là c'est beaucoup plus calme. Il y a des débuts, t'es presque en infiltration au début. Alors il y a aucune mécanique vraiment d'infiltration, c'est plus de la mise en scène où il y a les PNJ qui tournent le dos et toi et les ils discutent. Et l'IA, vous allez leur tirer dessus, mais t'as une mitraillette silencieuse. Enfin, c'est dans une forêt aussi. Ouais, enfin, c'est pas un bayou, mais ouais, une sorte de jungle un peu, mais sauce russe quoi. Donc c'est la forêt quoi. Écoute, moi j'ai joué à Metal Gear Solid 3, je sais qu'il y a des jungles en Russie, c'est possible. Et ne serait-ce que la mission on en parlait à Tchernobyl, le flashback, en fait, cette mission elle toute seule, bah, même aujourd'hui ça marche toujours. Bon, il y a le côté ambiance où t'es avec ton pote le buisson, là vraiment c'est les snipers qui sont en full tenue de camouflage, mais déjà bah, ça pose un peu l'ambiance. Là il y a vraiment l'infiltration, il y a même des moments t'as le choix, il te dit bah, les deux là tu peux les abattre ou passer ton chemin, c'est comme tu veux. Et donc ça change déjà un peu la dynamique. Il y a ce passage où il y a tout un régiment, je sais pas, mais les mecs qui passent comme ça, vingtaine de galiers, il y a des tanks aussi avec eux, et tu dois juste te coucher, les laisser passer à côté de toi. Il y a une tension, tu vois, parce qu'ils peuvent vraiment te repérer, se mettre à tirer, t'as l'impression que t'as une chance parce que tu peux te battre contre eux et tout, mais bon, en tout cas en mode dur ça passe clairement pas. Et même après ça, c'est pas fini, il va y avoir des moments où tu vas t'infiltrer avec lui, où il dit attends, on attend 10 secondes et tout, t'attends avec lui, et d'un coup t'as des tambours, t'as la musique vraiment percussion et tout qui se met en route, et lui il se met à sprinter au milieu des trucs et tu le suis en fait, parce que bah t'es toujours accompagné de ce sniper NPC et tu vas le suivre pendant toute la mission. Il va te guider, c'est ça qui marche assez bien. C'est que t'as juste à le suivre, donc c'est assez simple en fait, mais il y a quand même cette tension, tu vas ramper sous des camions et tout, et à la fin t'as la fameuse mission du snipe où faut prendre en compte le vent et tout, un truc comme ça. Bon, après tout est scripté, en vrai tu le touches pas puisque tu vas pas le tuer. Alors si tu le touches, en fait oui, tu le touches, mais tu peux rater hein. si tu le rates, la balle elle le rate. Bah c'est perdu, la mission est perdue en fait. C'est que dans tous les cas il survivra, mais il faut quand même le toucher pour que la mission continue. Mais il y a quand même ce côté effet du vent, du drapeau et tout. Moi cette mission vraiment à l'époque elle m'avait vraiment beaucoup marqué. En plus bah c'est l'ambiance Tchernobyl, tu sais, on est dans des bâtiments complètement désaffectés, c'est vraiment une zone qui est une zone de no-go quoi. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils se rendent compte, parce que ils font un deal d'armes ou je sais plus quoi, je sais plus ce que c'est, les bails. Mais ouais, moi elle m'avait vraiment marqué, le mec en buisson, tu le suis, après il se prend une balle, tu dois le prendre sur toi, ensuite, enfin c'est une mission ça dure 45 minutes, 50 minutes, il se passe plein de trucs. Vraiment moi elle m'avait beaucoup marqué à l'époque, et je pense vraiment de tous les calls, enfin j'en ai fait quelques-uns d'autres de cuivre, ça reste une des missions dont je me souviens le plus quoi, et elle était vraiment marquante. Et le jeu, en fait, est vraiment comme ça, très fort sur changer les mises en jeu et les mises en situation très rapidement. C'est-à-dire que vraiment, on passe d'un truc à un autre. On ne l'avait pas dit tout à l'heure, on l'avait noté, il y a eu aussi toute cette séquence où on va contrôler des drones à un moment donné, où là, c'est plus pour le coup une vision assez réaliste de ce que c'est la guerre un peu moderne. Et donc, en fait, il y a plein de mises en situation différentes. On va changer de point de vue, on va changer de lieu, on va changer d'ambiance. Et donc, ça ne s'arrête jamais. Donc, ça permet de maintenir l'intérêt du joueur sur toute la durée de la campagne, qui, du coup, va aller vraiment à la fin, c'est n'importe quoi, vraiment avec les camions, les hélicos, enfin vraiment la scène de la fin, tu te dis bon ça y est, là on a mis tous les moyens dedans et puis ça va péter dans tous les sens. Et t'as une scène aussi où t'es en hélico et là c'est au Moyen-Orient et tu vas mitrailler des toits et tout, des mecs qui ont des lance-roquettes qui essaient de tirer dessus et tout, donc non, et après ça a toujours été un enjeu je pense du FPS quand même militaire, parce que comme on l'a dit il y en a eu plein, tu vois, dans les années 2000, en Seconde Guerre mondiale déjà Call of Duty c'était un de ces éléments différenciants Medal of Honor, c'est que t'allais incarner différents camps. En général, t'avais les Britanniques, les Russes, et je sais pas qui t'avais d'autres. En général, t'avais trois camps, je crois, de mémoire. Les Américains. On les a oubliés, mais joué des Français à un moment, non ? Alors, c'est peut-être un Medal of Honor, mais t'avais un côté résistance ça c'est sûr. Mais par exemple, les Russes, t'avais la campagne russe, t'avais Stalingrad et tout. Ça a toujours été un enjeu. Je me souviens bien du tuto, tu sais, où tu dois tirer sur des patates, où tu joues un Russe comme ça et ils te font tirer sur des pommes de terre. C'est le tuto, voilà. Parce qu'on en a, voilà. Et souvent, une des nouveautés, t'allais incarner différents véhicules, tu vois. Tu pouvais être à bord d'un navire et contrôler un canon. canot anti-aérien, tu pouvais être, je sais pas, peut-être à bord d'une voiture ou d'une toile. Il y en a un, c'est dans le Pacifique, t'étais à dos d'éléphant et t'avais une mitrailleuse dessus. Enfin voilà, ça a toujours été. Normal. Ouais, ouais. Ça a toujours été une volonté en fait de varier un petit peu, et c'est vrai que là Modern Warfare ils arrivent à le faire dans un contexte moderne, vraiment à changer les pays, les environnements, et ça marche. Ouais, t'as un moment tu dois détruire un tank avec un javelin, t'en as une fois où tu sais tu dois mettre la fumée et puis tu dois atteindre le tank pour lui poser du C4 aux fesses. Enfin voilà, il y a tout plein de petites choses comme ça qui sont faites pour à chaque fois renouveler l'intérêt comme on le dit et diversifier. Mais malgré ça, en fait, dans la partie vraiment FPS pure et dure, c'est vrai que déjà à l'époque, je pense que c'était assez pauvre. Et là, aujourd'hui, en 2022, c'est vraiment du FPS qui n'est pas très intéressant. Je veux dire, déjà, rien qu'en termes d'arsenal, il n'y a pas grand-chose de différenciant. Hein. La plupart, c'est soit tu fais du snipe, soit tu as ton fusil d'assaut, alors que ce soit un AK-47, un machin truc, une M16 et truc. Il n'y a pas grand-chose qui se passe. Le sound design est très propre. Hein. Encore une fois, là, ils ont fait un très bon travail dessus. Mais en fait, il n'y a pas un intérêt à jongler avec les armes, à utiliser ton arsenal. Il y a les petites flashbangs, pourquoi pas. Voilà, quand tu rentres dans une pièce, tu lances ta petite grenade étourdissante et après, tu tues sur tout le monde. Voilà, c'est ce qu'on t'a appris au camp, donc tu le fais. Mais sinon, il n'y a pas beaucoup de différence. Et puis surtout, le bestiaire, il n'y a pas de bestiaire. En fait, c'est que des gugus que t'alignes la tête. Et ouais, ils font tous la même taille. Des fois, ils se mettent même en randonnion. La mission, justement, avant la bombe nucléaire, où tu te rends dans plein de maisons différentes. Là, tu es quand même assez libre dans les chemins que tu peux emprunter. Et il y a un moment où, en fait, tu en as 4-5 d'affilée qui passent devant une fenêtre. Et toi, tu es là, poum. Poum. Tu sais, c'est les petits canards à la fête, tu les enchaînes quoi. Là, en fait, c'était vraiment. Là, ils se démarquent pas en fait de ce qu'on faisait déjà en fait à l'époque et même depuis un certain nombre d'années. Tu peux quand même jouer, moi je l'ai fait une ou deux fois, jouer au fusil à pompe, mais en fait, c'est pas forcément la meilleure des stratégies. Je l'avais fait quand t'es avec Price, donc en Europe de l'Est, mais parce que le système de santé fait que c'est quand même mieux d'être un spot où tu vas être à couvert. Surtout que moi j'étais en mode de difficulté 3 sur 4, je crois, et ça déconne pas beaucoup. Il suffit, je crois, peut-être 4 balles et tu meurs. Tu te fais one shot par les grenades, donc en fait tu t'exposes pas. Ouais, c'est pas un jeu où tu vas courir et mettre un gros coup de pompe dans la tête du mec. C'est pas ça, c'est sûr. Tu te mets derrière ton petit truc, tu fais prrp, et ensuite tu te remets à couvert. Et en plus de ça, on peut quand même le noter, tu peux tirer à travers les murs dans le jeu. Je pense que c'était pas vraiment une norme. Alors il y avait déjà le moteur source avec, je crois, Counter-Strike Source, tu pouvais tirer à travers certaines textures ou quoi. Mais ce qui fait que, encore, c'est une raison de plus en fait pour rester un peu dans ton coin. Et eux, s'ils se mettent à couvert derrière un petit mur, tu peux quand même les abattre à travers le mur quoi. Mais en fait, c'est comme on l'a dit, c'est-à-dire que c'est les mises en situation qui vont permettre de dynamiser le truc. Mais effectivement, en termes de gameplay pur, les types font tous la même taille, on a beaucoup de munitions. En plus, il y a ce système de santé qui fait que il suffit de se mettre à couvert pendant 1-2 secondes, la vie remonte automatiquement, donc on peut enchaîner. Les niveaux, c'est pareil, il y a quelques moments où on va pouvoir un petit peu se balader, mais globalement, moi ça m'a vraiment surpris en le refaisant, on est sur des rails, c'est-à-dire que entre ça ou House of the Dead ou Time Crisis, tu vois, il n'y a pas vraiment de différence. Tu suis tes petits collègues, en plus tes copains ils sont toujours en train de te dire où il faut aller, là-bas, vas-y, etc. On n'est jamais tout seul. Jamais tout seul, et vraiment t'es toujours maintenu au milieu un peu de ce pack, un peu de mecs qui vont en avant, et tu suis toujours quelqu'un qui va te dire où aller, et c'est vrai que ça participe vraiment à la linéarité. Après, je trouve, tu vois, que l'illusion marche bien. C'est-à-dire qu'il y a plein de moments, tu sais, je me souviens, par exemple, à un moment, t'es dans une espèce de champ un peu où il y a des meules un peu ici et là, et t'as l'impression que c'est vachement ouvert. Et en fait, de toute façon, tu vas quand même suivre tes petits copains parce que tu dis, vite, vite, il faut se mettre à couvert. Oh là là, il y a un hélicoptère qui nous machine, tu vois. Et du coup, il y a une illusion il y a une espèce de densité, t'as l'impression qu'autour de toi tu pourrais aller ailleurs, mais en fait comme tu suis tes camarades, tu te poses pas vraiment la question. Et tu vois, le jeu il arrive à se mettre dans cet état un peu hypnotique où tu suis le truc et tu te poses pas de questions, et ça marche quoi. On te donne toujours une injonction à aller de l'avant, parce qu'il y a une action, parce qu'il y a des ennemis, il y a toujours quelque chose à faire, donc à aucun moment donné le jeu te laisse respirer et te dit tiens, va récupérer un audiologue derrière la meule de foin. Il y a pas de collectibles, il y a des ordinateurs à ouvrir. Mais ils sont sur la route, tu vois. Non, pas forcément. En général, c'est une tire micro des tours comme ça sur le côté. C'est des collectibles. C'est nul comme tous les collectibles du monde. Non, mais je veux dire, il n'y a pas non plus une exploration. Tu veux, tu vas pas passer 2 minutes à quitter la truc et ensuite les copains ils t'attendent. Au contraire, le jeu arrive à maintenir cette espèce de pression constante de. Il y a une mission, il y a un objectif, il faut le suivre et il faut y arriver quoi. Il n'y a jamais de quête secondaire entre jamais tu vas faire, si je prends un petit truc, il y a des mecs qui sont en train de faire un truc là, je les aide et puis après je reviens. Non, jamais, tu vois, c'est juste, tu vas dans une autre salle que tu n'as pas vue pour ouvrir l'ordinateur, c'est bon, j'ai le collectible, mais c'est tout, il n'y a jamais de truc annexe à faire, c'est constamment remplir l'objectif qui t'est demandé et puis c'est tout. C'est vraiment, tu vois, ça marque quand ils jouent, en tout cas en 2022, il y a vraiment, tu dis, Modern Warfare, c'est un jeu old school, tu vois. vraiment dans le côté vague d'ennemis qui sortent du même endroit, de la même fenêtre, de la même porte. La bonne pratique, c'est de te mettre en général à un spot où t'es un peu à couvert, mais t'es exposé que, on va dire, à deux endroits à peu près, et juste tu check. Toutes les 10 secondes, tu fais comment dire, tu fais le pendule, tu regardes à gauche, tu regardes à droite, t'en tues 2, t'en tues 3, t'en tues 2, t'en tues 3, ouais, et juste t'attends, Tu vides un peu les mecs qui arrivent, et après, quand tu vois que ça se calme, avances, et c'est reparti, ça recommence. Ouais. C'est vraiment, ouais, comme tu le dis, c'est marrant que tu fais le parallèle avec les jeux d'arcade, mais vraiment, c'est un jeu où tu vas de point en point, tu prends des positions, tu fais un peu le balayage vraiment sur ton écran devant toi, et ensuite tu prends une position un peu plus loin, et c'est comme ça que ça se passe, hein, vraiment. D'ailleurs, si t'attends trop, il y a un peu du respawn et des trucs comme ça, donc il faut, c'est comme ça un peu que ça se joue, tu égrènes comme ça un petit peu les ennemis en face, et c'est là que tu peux avancer. Ouais. Mais c'est un signe, je trouve, un petit peu de l'époque aussi, parce que j'ai joué il n'y a pas si longtemps que ça au premier Uncharted, tu vois. Les combats sont toujours un peu trop longs, il y a toujours un peu trop d'ennemis, tu vois. Il y a toujours vraiment, c'est peut-être un quart trop long, tu vois. Et en fait, il y a vraiment un moment où tu dis, bon, c'est bon là, j'ai assez tiré. Ça, c'est bon. Enfin, on va pas dériver, mais c'est un peu un des problèmes de la série Uncharted. C'est vraiment, il y a souvent des zones où t'as beaucoup d'ennemis qui arrivent et tu vois le truc. Parce qu'en plus, là, quand t'es en TPS, c'est encore pire parce que tu vois les petits murets. Là, en FPS, ils arrivent quand même à te donner cette illusion. Et comme il y a ces personnages qui sont tout le temps en train de te dire, allez, on avance, il y a faire des trucs. Enfin, c'est vraiment, d'un point de vue sonore, moi, c'est le truc qui m'a le plus marqué. C'est cette idée qu'ils nous mettent dedans. Tu sais, t'as les types qui te parlent, alors il faut aller là-bas. Attention, il y en a un RPG là-haut. Tu sais, tu regardes dans l'air, t'es tout le temps sollicité. Et donc, mais tu te rends. Et en fait, tu vois, c'est mais c'est quand même méga fictif parce mais que c'est jamais t'as les trucs, les râles d'agonie, enfin jamais tu vois vraiment une vraie souffrance. Oh là là, attention, il y a un mec, oh là, grenade, et puis tu sais, les mecs ils sont un peu au boulot, tu joues à la guerre. Bon, allez, voilà, c'est vraiment ça, tu joues à la guerre, bien sûr. C'est le jeu, C'est pas un but de faire un jeu réaliste, critique de la guerre ou quoi que ce soit, tu vois. C'est ça qui est important de rappeler, c'est que justement il y a un accent qui est mis sur le réalisme de certaines choses, et il y en a d'autres qui sont vraiment mis sous le tapis pour justement créer du jeu parce que on joue à la guerre, en fait, c'est pas très drôle. La guerre. Mais ça, en tout cas, ça c'était la campagne solo. On a parlé de la campagne solo. Il y a beaucoup de gens qui se disaient, oh, ils vont peut-être pas parler du multi, c'est dommage, ils auront peut-être pas le temps de le faire. Bien sûr que si. Mais alors, les gars, nous on est très prestige, je sais pas combien, donc je peux vous dire qu'on peut en parler du multi. Moi, c'est vrai que, en plus, à l'époque, pour moi, c'était un des premiers jeux où je jouais vraiment en ligne, parce que il faut le rappeler quand même, début PlayStation 3, Xbox 360, c'est là aussi où le jeu en ligne, le jeu compétitif va vraiment arriver sur console, alors que c'était déjà un petit peu le cas quand même sur PC depuis quelques années. Et là, moi, c'était vraiment ma première expérience de deathmatch en ligne à la maison. Et ouais, et le mode multi de Call of, il avait vraiment une plus-value grâce à tout ce système, en fait, qui est un peu inspiré de RPG, où il y avait tout le temps des défis constants à réaliser. C'est-à-dire qu'on montait de niveau, tu commençais, tu étais au niveau 1, et tu pouvais monter, alors je sais plus précisément, c'était niveau 70, 75, un truc comme ça. Ouais, je crois que c'est ça, avant le prestige, j'ai plus le truc en tête, j'ai envie de dire 80, mais je suis pas sûr. Ouais, c'est dans ces eaux-là, mais en tout cas, en fait, tu commençais vraiment au niveau 1 et t'avais juste ton petit péteux et. C'est comme ça que t'étais lancé en deathmatch, alors que tu pouvais tomber sur des mecs qui avaient des fusils à pompe, des lance-grenades, des machins. Et en fait, c'est en jouant, tu réalisais des petits défis, plus tu tuais de mecs, plus tu faisais plein de petites actions, plus tu débloquais en fait de l'arsenal. Alors au début, tu commençais, t'avais un fusil d'assaut, ensuite t'allais débloquer un fusil à pompe, ensuite t'allais débloquer un truc, et ensuite quand tu jouais avec un fusil à pompe, t'allais débloquer un autre fusil à pompe. En fait, il y avait tout un système comme ça de progression, et qui était totalement inédit à l'époque en fait pour un multijoueur en ligne. Ouais, c'est vraiment arrivé avec Call of 4 où ils ont réussi en fait à transposer beaucoup de mécaniques. Alors on parlait beaucoup de RPG, mais ça va pas aussi loin qu'un Borderlands, hein. on n'est pas avec du loot ou des choses comme ça. Par contre, ce qu'ils ont fait, c'est l'idée de toutes les missions, il faut qu'on débloque quelque chose. Ils ont créé, en fait, comme on a aujourd'hui dans les jeux mobiles, des sous-missions où c'est genre, il faut des petits défis comme ça, des petits challenges au cœur de chaque mission. Alors, il faut tuer avec ce pétard là, il faut tuer 5 mecs, 6 mecs, il faut tirer dans la tête, etc. Du coup, tu vas débloquer des accessoires, débloquer des couleurs, tu vas débloquer des petits skins. Et donc, en fait, à chaque fois que tu vas jouer, tu vas être en train de remplir un objectif et tu vas être en plein de remplir une là, en fait, du deathmatch, que de dire vas-y, j'essaie de gagner, je fais ma partie. Toi, t'as tous tes petits objectifs en tête. Alors, il faut que j'essaie d'en tuer 5 avec mon truc. J'en tue 5 au couteau parce que ça va me débloquer des points et ça va me faire monter plus de niveaux et ça va me débloquer des trucs parce que des choses se débloquent au fur et à mesure des niveaux, quoi. Et le truc qui est très RPG et qui est vraiment intéressant, c'est qu'en fait, tous ces petits machins qu'on peut débloquer, on va pouvoir les conserver et faire donc les loadouts. Hein, ouais. C'est notre build en fait. On est vraiment dans un système où on crée sa propre classe et on va dire ça, c'est mon arme principale, ça, c'est mon arme secondaire. faire. J'ai tel équipement de soutien. On va avoir un truc pour soigner. On va avoir un truc pour. Non, enfin, il n'y a pas de ça, truc ça de me dit rien, ouais. Non. C'est, je suis en train de confondre avec du Battlefield. Mais tu vas avoir différents types de grenades. Tu vas avoir différents types d'objets en fait que tu vas pouvoir faire. Et donc, tu te fais ton petit fusil d'assaut. Tu choisissais aussi quel accessoire tu mettais. Tu avais droit, genre, par exemple, tu pouvais juste. Est-ce que je mets un silencieux? Est-ce que je mets le lance-grenade? Bon, le lance-grenade est cheaté. Donc, il fallait mettre le lance-grenade. T'as la technique. Je me souviens vraiment de ce truc quand j'y jouais. Tu sais, c'était tu commences la partie, tu lançais des grenades en l'air comme ça. Et si t'arrivais à bien viser la petite zone où les mecs allaient se balader, bim, tu commençais, bim, ça y est, tu faisais le frag. Donc ça, surtout qu'en plus, justement, les missions, on peut le dire, c'est contrairement à Battlefield, les zones sont beaucoup plus rapprochées. Ouais. On est presque dans l'esprit de Counter-Strike où vraiment il y a des boulots d'étranglement. Il y a des zones chaudes, on se retrouve en. Allez, tu marches 20 secondes et t'as des ennemis. Ouais. C'est-à-dire que t'as pas le temps en plus de réfléchir et de regarder le décor. Tu sais que les méchants, ils vont arriver. Il y a aussi un autre truc, c'est la démocratisation de la killcam qui est arrivée aussi avec ce Call of Duty 4. Avec ça, j'ai trouvé ça intéressant. C'est le côté bah, tu t'es fait tuer, tu vois les 30 dernières secondes, à peu près 20 dernières secondes du type qui t'a tué. Et ça se fait en parallèle. 2007, c'est le début de YouTube, tu vois. C'est vrai que moi, dans ma tête, c'est les premières années où tu voyais des vidéos. Alors, il y avait Diablo X9, tu vois, un peu plus tard, tu vois, ils jouaient à Call of et tu voyais leur truc. On a regardé d'ailleurs Diablo X9, sa carrière elle commence sur Dailymotion avec Call of. Avec du Call of, avant Modern Warfare, il était déjà présent sur internet et tout, mais oui, a priori, il aurait décollé. C'est après à ce moment-là que, voilà, que ça commence à se faire. De toute façon, en fait, c'est marrant parce que quand il y a un phénomène comme ça dans le jeu vidéo, aujourd'hui, voilà, avec les nouveaux médias qui sont. Tu vois, il y a des gens qui peuvent lancer leur carrière. Ça va donner un essor, en fait, un truc comme et ça. Puis, c'est le moment dans l'imaginaire collectif aussi. C'est tout ce qui est les gens qui s'engueulent sur le Xbox Live et tout en microphone, une qualité dégueulasse. Salut, petit fils de pute. C'est vrai que tu avais cette ambiance vraiment très particulière parce que on avait effectivement nos petits casques. Tu sais, ça fait casque vraiment de hotline parce que t'as qu'un écouteur en plastique. C'est tout pourri en plus. Vraiment, la qualité du son était dégueulasse, mais c'est comme ça que t'entends tes collègues et tu pouvais leur parler. Enfin, il y avait vraiment ce truc de le multi arrive sur console et donc on découvre les joies du jeu sur internet avec tous ces gens toxiques. Et en plus de ça, Call of Duty, très vite, comme il y a eu une popularité énorme, c'est vrai que c'est dans l'imaginaire collectif, comme tu dis, c'est arrivé souvent que t'entends des voix de gamins qui jouent à Call of. Ils ont 14 ans, ils jouent à Call of, tu te fais traiter de tous les noms parce que t'as fait un truc. Alors, moi, je me souviens que je jouais pas avec le casque et il y avait quand même l'option pour mute. Et c'est vrai que tu sais, parfois tu te connectais à un salon et tu commençais à entendre t'avais le type qui écoutait ça, mais en plus c'est trop mais c'est ça, ils écoutent sa musique, il y a sa mère qui fait la machine à laver derrière, enfin t'avais des petites incursions dans la vie quotidienne du paysage français, c'était trop drôle quoi. Mais moi c'est mon souvenir, c'est-à-dire que tu lances quand j'étais pas en groupe, donc quand tu créais ta partie sur 360 avec tes potes, t'entendais que sinon c'était je mutais tout le monde, c'était vraiment pendant le lobby, tu sais, il y avait l'écran à droite là, t'avais les noms, tu faisais clic clic clic, tu les mutes tous pour pas les entendre. Et après, tu y vas et tu tiens. Et c'est marrant parce que c'est vraiment histoire console, parce que sur PC, moi je me souviens, je jouais déjà à Counter-Strike Source, tu vois. Bon, t'avais du vocal et tout. Bon, je dis pas que c'était civilisé non plus, tu vois. Mais il n'y a pas eu ce genre d'imagerie, tu vois, non plus, parce que ça faisait déjà un petit moment. Non, mais parce que tu vois, la console, c'est quand même un objet plus accessible qu'un gros PC pour pouvoir jouer. Ça a toujours été moins cher. C'était dans les familles, c'était dans les salons. Donc, c'est pas le même objet. Après, moi je dois dire, moi vraiment, sur cette époque, un Call of, là, sur ces quelques années où je jouais en multi, je découvre le multi. Moi, je suis un turbo rageux. Hein. Enfin, à l'époque, j'étais vraiment un turbo rageux. Je gueulais, j'étais lâché, putain, et tout. Le nombre de fois où ma mère, elle attaquait à la porte, genre, bon, Hugo, on va se calmer un petit peu maintenant. Donc, voilà, j'avoue à la France entière, tu vois, j'étais vraiment genre en mode, je gueulais. Tu sais, parfois, quand tu perds et tout, enfin, bref, moi, j'étais un vénère. J'avais la colère de l'adolescent qui était là et le jeu. C'est pour ça, d'ailleurs, je joue plus. Enfin, aujourd'hui, maintenant, j'ai pas du tout cette attitude-là parce que je m'en fous. Mais vraiment, à l'époque, ça faisait vraiment ressortir le pire de moi-même, je dois l'avouer. Mais donc je repense un peu au côté farming, mais en fait il y a ça aussi. Alors je sais pas si c'était là dès le début, mais parce que moi j'ai joué à la version free to play de Team Fortress 2, donc ça a dû arriver, je sais pas, peut-être en 2011, à quelques années près, hein, je sais plus vraiment. Le jeu de base est sorti en 2007, mais il y avait aussi cette philosophie où tu commences, t'as que les armes de base en fait de ta classe, alors que t'as plein d'autres armes en fait. Typiquement le sniper, tu peux aussi jouer avec un arc par exemple, mais sauf que l'arc tu n'as pas de base, il faut débloquer alors de mémoire, je sais plus vraiment. Oui, tu vas avoir des drops aléatoires d'armes que tu peux. Ça, c'est Team Fortress. Hein. Je parle de Team Fortress. Et t'as des drops aléatoires, soit de caisses ou de que tu pourras peut-être ouvrir ou d'armes. Et en fait, tu vas pouvoir t'en servir pour les crafter ou tomber directement sur l'arme que tu veux. Mais t'as vraiment, enfin, c'est quand même important de le souligner. T'as des façons complètement différentes de jouer. T'as par exemple la classe qui était le Demoman, donc celui qui a un lance-grenade. En fait, tu peux aussi le jouer avec une épée et un bouclier et une charge en fait où là tu fonces au corps à corps sur les gens. Non, Call of, on n'est pas du tout dans ce délire là. Non, mais il y avait cette notion de farming quand Oui. En fait, oui, de toute façon, ce qu'il faut dire, c'est ça, en fait, c'est que quand Call of, ils arrivent avec ça, trois mois après, tous les autres qui font du FPS, ils se disent, attends, oh là là, il y a un truc, là, ils ont débloqué. Mais attention, parce que Team Fortress 2 est sorti la même année. Par contre, ce que je peux plus dire, c'est que moi, j'ai joué à la version free-to-play, donc peut-être que ça a été ajouté. Ça a été modulé. C'est Call of qui a vraiment apporté ce côté, ok, on rajoute, en fait. En tout cas, vraiment popularisé. On rajoute une couche comme ça, une surcouche pour créer de l'engagement. Moi, mon souvenir de Call of, c'est vraiment l'interface sur l'écran, sur ma télé. Je m'étais acheté un écran plat exprès, premier LCD, tu vois. C'est mon premier salaire. Tout le temps, mais exactement, voilà. Tout le temps, il y a des trucs qui apparaissent à l'écran. Tu vois, t'avais tout le temps des petites jauges, des petits machins, des petites informations. Le jeu, en fait, te sollicite constamment. Ils encouragent beaucoup l'exploit individuel. Ouais, vraiment le jeu où il y a les kill streaks aussi, tu vois, le truc de combien on avait dit, c'était 3, 5 et 7 je crois. En gros, tu débloques le radar, ça permet d'aider toute ton pendant équipe. Pendant 30 secondes, tu vois où sont les autres. Ouais. Et donc ça t'encourage en fait à tout le temps être dans l'exploit et à essayer de faire des trucs un peu foufou tout à seul. À 5, c'était quoi, c'est une frappe un missile ou un truc comme t'as ça, un hélico, non? Et la frappe aérienne, c'est le c'était l'hélico, ouais, parce que c'était violent. Ils squattaient pendant 100 ans, c'était c'était vraiment, fallait arriver à tuer cette personne. Et c'est vrai que tu le dis, c'était pas un jeu où t'avais besoin de faire du team play, tu vois, pour gagner. Alors peut-être à très haut niveau, c'est peut-être possible, je sais pas comment c'était joué, mais moi je me souviens que c'était un jeu que je jouais solo, entre guillemets, tu vois. Je faisais mon truc et mon objectif c'était d'être premier de la team et de gagner, et c'était tout. Les respawn, ils sont chaotiques aussi, hein. Il y a vite fait quand même deux zones où tu vas pas respawn chez l'ennemi, mais pas rare de respawn, t'as un mec qui passe devant toi, ou l'inverse. Tu prenais une balle comme ça. De toute façon, c'était très rapide. Vraiment, tu courais, un petit peu, boum, tu te prenais une balle, tu repartais, mais c'est pas grave. Des fois c'était toi qui tuais, des fois c'était lui. Oui, voilà. Je dis chaotique, mais en fait non, c'était pas mauvais, mais nerveux, quoi. C'est-à-dire tu vas pas trop taper 20 secondes de route. Et leur petit coup de génie, c'est que une fois que t'as débloqué toutes ces conneries et machin, en fait, le début. Ce n'est que le début, tu vois, exactement. Le vrai jeu peut commencer. C'est Monster Hunter. Il y a Monster Hunter. Bah, moi, je pensais à T4C parce qu'on pouvait renaître dans le truc. En fait, arriver au bout de l'XP, on te disait, est-ce que tu veux passer en prestige? Ouais. Et du coup, tu passais, tu recommençais tout ce processus, tu recommençais avec ton petit flingue. Alors après, t'avais une autre connaissance et tout, mais t'allais recommencer les défis et tout, redébloquer tout un arsenal et rebelote. Encore une fois, tu pouvais faire et ça. Et tu débloquais, du coup, une espèce de petite icône à côté de ton nom. Bien sûr, à chaque bien prestige, sûr. On débloquait des petits trucs. Une nouvelle icône, après il y avait des skins spécifiques, mais c'était vraiment ce système de prestige et qui faisait qu'en fait tu ne jouais jamais seulement qu'au jeu, tu débloquais aussi toujours des défis, t'étais tout le temps en train de faire quelque chose. Et en fait, ça, sur l'engagement sur long terme, moi je pense que c'est pour ça que j'ai dû y engouffrer des centaines d'heures. À mon avis, c'est le cas. Et puis sur les autres après, aussi, j'ai joué aussi beaucoup à Modern Warfare 2 par la suite. Bref, un multi qui a vraiment porté le jeu et qui a fait qu'en fait, ce Call of Duty 4 Modern Warfare avait à la fois un solo qui était puissant, qui était bien rythmé et qui à l'époque fonctionnait bien et avait convaincu toute la presse et tout le monde, on est à 94, et en plus le multi après qui fonctionnait vraiment super bien, quoi. Et c'était très accessible, c'est-à-dire que vraiment, comme on est avec effectivement une première génération de consoles où les modems y sont intégrés directement, tout le monde peut jouer, tout le monde en plus sur Play 3 c'était gratuit à l'époque, il n'y avait pas encore le PlayStation Network payant, mais tu payais ton Xbox Live ou quoi, et direct tu te lançais, tu te connectais, t'arrivais sur le menu du jeu avec la petite musique et il te proposait direct, fais le multi, soit solo ou multijoueur. Moi je me souviens quand la DSL est arrivée à la maison, et tu sais, j'avais déjà joué un petit peu, en fait quand j'ai eu ma PlayStation 3, j'avais pas encore la DSL à la maison, et quand c'est arrivé, je fais putain, faut absolument que j'essaye et tout, et là ça y est, j'ai la révolution, je suis dans le gouffre, parce que la DSL était c'est le ping quoi. Qui passe de 100 à 20 et mais en fait je pouvais pas jouer, en fait c'est le network te disait non, t'as pas la co pour jouer, et après dès que j'ai pu c'était bon. Et puis évidemment c'est aussi la période des DLC, et je crois que c'est avec Modern Warfare qui commence une certaine politique où tu vas pouvoir acheter des maps et tout, puisque il faut les acheter sur internet, donc c'est très important d'avoir un multi qui cartonne pour avoir plein d'utilisateurs qui sont sur internet. Je sais pas pour Modern Warfare, mais pour donner un ordre d'idée, c'est quel Call of Duty? C'est pas World at War où tu disais qu'ils avaient vendu 3 ils avaient trois fait plusieurs DLC sur 4 mois. Si, c'est ça, c'est World at War, donc c'est le 5 World at War, c'est ça, ça, donc c'est en 2008, et c'était sur une période de 4 mois. Ils ont vendu donc 3 DLC déjà, tu vois, sur 4 mois, de 10 euros chacun, et 2 millions chacun. Ils ont vendu 2 millions de fois chacun, quoi. Donc on est dedans, et ça leur réussit très bien, quoi. Moi je sais pas si j'avais pu acheter à l'époque le DLC sur le Modern Warfare. Je me souviens avoir cette frustration de me dire dire, il y en a qui jouent sur des nouvelles maps et moi je les ai pas, quoi, parce que j'avais ma mère, elle avait dit, non, on met pas la carte bleue dans la console, c'est mort. Donc voilà. Mais, une personne sage, maman Terra, mine de rien. Pour négocier, fallait se lever. Moi, pour me balancer Nolan, il y a du monde, mais alors pour parler de sa mère en public. Hein, mais qu'est-ce que j'ai dit sur ma mère? Elle m'a acheté Pokémon, voilà. Non mais mettre la carte bleue dans la console, j'ai dû négocier. Je pense que j'ai dû craquer plutôt sur les skins de Street Fighter 4. Bah, voilà, tu sais que moi, c'était l'époque où je commençais à bosser en magasin et justement la solution magique pour les parents dont les gamins jouaient à Call of, c'était les cartes de points, les cartes à gratter là où tu mettais des points de Xbox. Ça cartonnait, ça a commencé vraiment à se vendre énormément avec les Call of justement. Et du coup voilà, gros carton, le multi, le solo, tout fonctionne, les DLC qui commencent. Et là, ça y est, en fait là, ça y est, Call of Duty rentre dans une nouvelle ère. Et du coup, Infinity Ward va... Alors, il va y avoir, donc, tu l'as dit, Treyarch qui va bosser sur le World at War, puisque, on est dans l'annualisation, donc il en faut un tous les ans. Et puis, après, Modern Warfare 2 qui va être, le deuxième gros jeu d'Infinity Ward après celui-ci, et qui va être un carton aussi de C'est simple, Day One, c'est 7 millions de ventes, ce qui, même aujourd'hui, reste excellent, vois. Donc, à l'époque, on n'en parle même pas. Mais une des choses qui... explique peut-être un petit peu ça, c'est qu'on regarde le budget de Modern Warfare 2, donc toujours ça, c'est des infos, je le rappelle au cas où, du bouquin de Sébastien Delahaye. Donc le budget, c'était donc une quarantaine de millions pour le développement, et pour le marketing, c'était 150 millions de dollars, et en général, quand t'investis pour le marketing, c'est pour vendre en day one, tu vois. C'est là que le marketing, c'est pas pour dans deux ans, tu vois, c'est pas pour vendre le jeu plus tard. Mais moi, quand Max, il a noté ça sur le conducteur, tu sais, j'ai tiqué, parce que souvent, on dit que le marketing, en fait, dans le triple A, on dit que c'est la moitié. Voilà, ouais, c'est-à-dire que si tu mets tant dans le développement, tu mets la même chose dans le marketing. Là, c'est plus que trois fois plus. Donc, il faut quand même se dire... Il faut se souvenir qu'à l'époque, les Call of Duty, donc c'est les bâtiments à l'E3, à Los Angeles, avec les trucs, c'est les stations à l'Paris Games Week, c'est les stations de métro de Paris qui sont toutes rebrandées Call of Duty. Ouais. T'as des bâtiments partout. Enfin, moi, à Micromania, du coup, on mettra les photos sur le Discord ou sur le Twitter. Vous allez voir on faisait des soirées, tu vois. On faisait les soirées de sortie, il y avait Activision qui payait Micromania pour qu'on ait du décor, ils envoyaient une hôtesse, on avait des caisses avec des armes, j'ai vu Benoît avec une M4 c'était pour la sortie de Black Ops, j'étais pas bien, pour Modern Warfare 4, mais c'était un peu après, et en fait c'était devenu vraiment une espèce de cérémonie, parce qu'en plus ça sortait en novembre, donc ça permettait d'entamer, tu vois, il y avait septembre-octobre qui était la grosse saison de vente des jeux vidéo qui était entamée avec Assassin's Creed, ensuite il y avait FIFA PES, après il y avait Call of, enfin je veux dire c'était vraiment, tu sais, on était sur la période où les ventes de jeux vidéo, t'étais sur ton petit launcher et puis t'es là et après il y a le mois de décembre et alors là c'est fini quoi. Et du coup, Infinity Ward, vraiment, on l'avait déjà dit, dès Call of Duty 2, ils commençaient un petit peu à affirmer leur statut. Et là, avec Modern Warfare, ça n'a plus rien à voir. En fait, ils deviennent... ils s'enorgueillissent quand même du succès de la licence. Alors, d'une partie, à juste titre, mais de l'autre, ils vont essayer d'un petit peu de négocier. Ils avaient déjà essayé un petit peu avec Activision de prendre un petit peu d'importance. Ils ont essayé de négocier l'emprise sur Call of Duty. Ils voulaient qu'il n'y ait qu'eux qui développent du Call of Duty. Évidemment, Activision leur a dit hors de question parce que nous, on veut que ce soit tous les ans. Et ils peuvent pas faire un Call of tous les ans. Une anecdote qui est hyper importante, c'est que lors du trailer de Modern Warfare 2 aussi, ils n'avaient pas écrit Call of Duty dans le nom, c'était juste écrit Modern Warfare 2 pour montrer vraiment ils ont créé une nouvelle marque. C'est un défi énorme. Enfin, c'est vraiment parce que Activision n'était pas au courant, ils ont découvert le trailer en même temps que le reste du monde, et c'est vraiment un gros doigt qu'ils l'ont fait. Ils se sont pas pris la tête avec ils avaient la dalle. Moi j'avais lu pour tous les trucs de création, j'avais lu en fait un post-mortem d'un lead de chez Infinity Ward de l'époque. Ils voulaient être les meilleurs du monde, tu vois, c'était vraiment genre on est Infinity Ward et là avec cet épisode là on va vraiment tout défoncer et on va montrer que c'est nous les boss, quoi. Donc c'est un studio qui avait envie, tu sais, de moi ça me fait penser dans le rap, mais tu sais, mettre le nom sur la map, tu vois, de dire voilà, nous on dans est la là légende et... mais vraiment, tu vois, c'est de dire nous on a compté, on a fait ça et on est là et on bouge pas, quoi. Et finalement ils ont quand même pu négocier quelques trucs. Bon, c'est des anecdotes, mais je pense qu'on peut en parler là parce que c'est intéressant de montrer les relations entre un studio qui a vraiment du succès et son éditeur qui, en fait, tu vois, dirige le monde. et ils avaient pu négocier donc un droit de veto sur n'importe quel Call of Duty qui se passerait après la guerre du Vietnam. Tu vois, Infinity Ward avait le droit de dire non, parce qu'ils gardaient ce côté guerre moderne qui leur était attitré. Et ils ont négocié aussi des royalties, parce que quand t'as un studio qui appartient à un éditeur, t'as pas toujours des royalties. Parfois, c'est juste payé, ton contrat, tu vas avoir des bonus éventuellement, mais c'est l'éditeur qui décide. Là, il y avait des royalties non seulement sur les ventes des Modern Warfare, mais aussi sur l'utilisation de leur mode moteur qui était utilisé par d'autres studios en fait, d'Activision. Donc il y avait quand même des très gros bonus qui tombaient à la fin de l'année ou en tout cas après la sortie d'un jeu, mais ils n'ont pas pu aller au-delà de ça. Et comme tu l'as dit, c'est que Modern Warfare 2, le trailer, c'était un gros doigt fait Activision. Activision, ils ont patiemment attendu que le jeu sorte, ils ont resserré un peu les vis évidemment, et genre je crois c'est peut-être un mois après la sortie du jeu ou quoi, là il y a des agents de sécurité qui débarquent chez Infinity Ward, on prend les deux dirigeants, donc c'était Vince Zampella et Bruce West, je crois que c'est les deux qui étaient à 2015, hein, qui sont un peu les deux visages hein, de Modern Warfare, enfin des Call of Duty d'Infinity War plutôt, et en fait Activision aurait fait, je crois que c'est pas officiel, mais ils auraient fait pirater les ordis. En tout cas, la discussion est officialisée, le fait qu'ils en aient parlé à quelqu'un de pirater leurs ordis, qui était un projet, ils ont réussi à défendre le fait que, mais non, on l'a jamais fait, mais bon, ils ont piraté leurs ordis, ils ont découvert qu'en fait, ils étaient en négociation potentielle avec EA pour signer des trucs avec eux, se barrer d'Activision, donc direct, c'est bon, ils ont fait un raid de police, tu vois, entre guillemets, chez eux. C'est vraiment parti au clash. Il y a le générique de Game of Thrones qui commence en fond, là. Bon, moi, je suis plus Succession en ce moment, oui, mais chacun ses refs. Voilà. Et du coup, bah, ils ont viré, les deux dirigeants. À côté de ça, ils ont fait miroiter parce que bon, il faut, comme on l'a dit, c'est que Call of Duty, bah, faut que ça sorte. Ouais. Le Modern Warfare 3, il est prévu pour dans 2 ans, donc faut continuer à bosser dessus. Activision trouve une petite parade et tout, ils gèlent les royalties en attendant la sortie de Modern Warfare 3 pour forcer les gens du studio à bosser dessus, mais en fait ça marchera pas. Il y a genre la moitié du studio qui se barre en fait avec Vince et Bruce, et ils vont aller et ben finalement chez EA, ils vont retourner. Et ils vont fonder, eh bien, Respawn Entertainment, que vous connaissez peut-être, bah, notamment, il y a eu Titanfall, c'était le premier gros succès, il y a Apex, on aura l'occasion d'en parler un jour, et on a parlé de Jedi Fallen Order, bon, c'était une autre team. Il vient d'avoir du teasing, là, discret. Ouais, pour les gens qui teasing, nous écoutent, bon. Sur le Discord, on compte sur vous pour nous faire un petit wink-wink. Voilà, c'était des gens dont on avait un peu parlé comme ça, mais en mode OZEF, et là, en fait, on les retrouve dans cette histoire, donc c'est assez rigolo. Et donc, il y a tout ce bordel, hein, parce que c'est vraiment au lendemain de Modern Warfare 2, hein, et pendant le développement du 3, il n'y a quasiment plus personne chez Infinity Ward. En tout cas, tous les leads sont vraiment partis, il reste la moitié, mais c'est quasiment que des juniors, en tout cas d'après le bouquin. Ça part en procès dans tous les sens, Activision, EA, Infinity Ward, les anciens employés et tout, enfin tout le monde est contre grosso modo Activision. Hein, c'est le Battle Royale entre... En même temps, c'est Call of à la clé. Bah, oui, des sommes qui montent à un demi-milliard et tout, enfin c'est vraiment, ça déconne zéro. Tout va finir par se régler à l'amiable. Hein. Bon, vous avez des détails dans le bouquin et tout, on va pas rentrer dans tous les détails. Avec un chèque. Bah, il y a évidemment des très gros chèques, mais on veut pas que tous les secrets et tout sortent, hein, évidemment. Et bah, là, on pourrait croire que la licence Call of Duty, bah, elle est en péril, hein, puisque bah, en urgence, Activision va mobiliser plein de studios pour bosser sur Modern Warfare 3, mais pendant ce temps, Treyarch va bosser sur leur Call of, celui qui doit sortir un an après Modern Warfare 2, et bien ce sera Black Ops, qui sort donc en 2010, et ben en fait c'est un gigantesque carton commercial. Je crois qu'il y a une petite déception parce qu'ils arrivaient peut-être pas à imposer un modèle online ou quoi, mais ça marche commercialement. J'ai regardé, c'est le plus vendu hein, de Black Ops, c'est plus façon, de 30 millions et quelqu'un, donc c'est vraiment, c'est marrant parce qu'en fait donc Modern Warfare avait imposé la marque Call of Duty et tout, ça y est, à un niveau encore plus stratosphérique, et en fait quand Black Ops arrive, tout le monde a été surchauffé par Modern Warfare 2 parce que c'est celui qui est sorti l'année d'avant, et en fait bah ouais, là c'est le jeu, le pic, le highest pic de Call of Duty. Moi je me souviens, bon, Black Ops, je suis allé acheter le Day One, bah, il n'y a pas de souci. Les photos dont je parlais tout à l'heure, c'est ça, c'est la soirée de Black Ops. Donc, faut s'imaginer dans la petite rue centre-ville de Toulouse, il y avait, je sais plus combien, mais il y avait 100-150 personnes qui faisaient la queue. Nous, on ouvrait genre à 21h le soir et jusqu'à minuit, en fait, ça ne désemplissait pas. Les gens, ils arrivaient, ils jetaient leur billet de 70€ sur le comptoir et ils prenaient leur Call of et ils se barraient, quoi. Et ne serait-ce que bah, les drogués du multi, parce qu'en fait, tous les ans, bah, t'avais le nouveau les multi. Les drogués nouveau... du multi oh là là. Attendez, on a le droit de se moquer des Américains et des Russes. Alors, les joueurs du multi, non. Attends, moi je joue beaucoup à des jeux multi, il n'y a pas de souci. Je connais un drogué du multi, je crois. Mais ce que je veux dire, c'est que même si le jeu a peut-être pas le solo, a peut-être pas autant marqué que Modern Warfare 1 ou 2, en fait, à partir du moment où t'as le multi, t'as déjà la moitié des ventes qui sont assurées. Et puis il y avait le zombie, et il y avait le mode zombie qui était déjà sur World at War et qui va être repris dans Black Ops et qui va être affiné, et en fait, qui va faire que cet épisode, bah voilà, il va rouler tout seul en fait. Sachant qu'en plus, bon, du coup, Black Ops, c'était pas encore vraiment moderne parce que ça se passe avec la crise de Cuba, mais on n'est pas loin, tu vois, ça reste quand même à moitié, donc il avait avait quand même ce côté, il avait un... En fait, il apportait vraiment une petite différence avec Modern Warfare. Et effectivement, comme on l'a dit, il y avait le multi, le mode zombie, il y avait eu tout un tas de DLC. Je crois que c'est à partir de là qu'ils ont commencé à lancer les Season Pass, si je dis pas de conneries. C'est peut-être après. Mais bon, bref. Il y avait une technique où, en gros, si tu ne jouais qu'à Call of et que c'était le seul jeu que tu achetais une fois par an, jusqu'au mois de novembre suivant, il y avait du contenu qui arrivait tous les X temps et que tu avais juste à mettre ta carte bleue et s'enchaîner. Et du coup, il y a Modern Warfare 3 qui va sortir. Alors, effectivement, comme on l'a dit, c'est quasiment plus la team d'Infinity Ward. Alors, fun fact, la personne qui va diriger, c'est Glenn Schofield, qui va être rapatrié de EA, donc Visceral Games, qui a été fermé. Call of, venez bosser chez nous. En fait, il y avait Sledgehammer. En fait, je pense que Sledgehammer avait déjà rejoint la famille Activision Call of Duty. Et effectivement, avec entre autres Glenn Schofield qui avait bossé sur Dead Space. Et comme là, c'était le bordel avec Modern Warfare 3, ils ont dû, mobiliser les autres studios, dont Sledgehammer, pour bosser dessus. Non, mais encore une fois, on tissait des points avec les anciens épisodes. Et voilà, c'est toute une espèce de petite famille comme ça qui a fait le ping-pong du mercato entre Electronic Arts et Activision. Je trouve ça assez intéressant. Mais Modern Warfare 3 qui va quand même un petit peu moins bien fonctionner. Et surtout sur le plan critique qui va. Ça reste des ventes stratosphériques. C'est juste que c'est plus autant. C'est-à-dire que depuis Black Ops, c'est à ce moment-là où j'ai arrêté. Ça commence à redescendre doucement. Chaque épisode se vend un petit peu moins bien que le précédent. Mais ça aurait pu être une catastrophe. Ça l'a pas été. Et comme on l'a dit, il y a eu le plot twist Black Ops. Et ils vont en faire. Il y en a eu 4. Il y a peut-être même eu, des extensions. C'était la nouvelle marque en fait. C'est-à-dire que pendant un moment, il y a eu Modern Warfare. Et au moment où Modern Warfare commence à décliner, parce que Infinity War se bat, ça y est, Black Ops lui reprend le truc. Et ça y est, c'était Black Ops. Évidemment, eux derrière Activision, ils mettent leur bille dans le marketing autour de Black Ops. Enfin, je veux dire, ils vont vraiment à fond là-dedans, quoi. Et on a Sledgehammer qui fera les Advanced Warfare, Infinite Warfare. C'est un par an. Donc on va alterner entre les Black Ops, les trucs Warfare, donc Advanced, Infinite. Il va avoir Call of Duty Ghost. Ouais. Il va avoir un truc Cold War. Enfin voilà. Après, Ghost, c'est le fameux avec le chien. Tu sais, c'est la fameuse année 2013 avec la présentation où le Xbox, ils avaient juste parlé de TV et de Call of Duty, tu vois. Mais c'est juste on peut juste le mentionner parce que c'est un signe de l'époque aussi, c'est que on voit que les jeux mettent plus de temps à être développés, puisqu'avant il suffisait de 2 studios pour en faire un tous les ans, et là il en faut 3. Au jour d'aujourd'hui, on a 3 studios vraiment qui gravitent et qui sont mobilisés sur Call of Duty. En fait, il y en a 2 principaux, c'est-à-dire c'est... Infinity War, Treyarch et Sledgehammer, c'est les 3 qui... Et il y a Raven Software. Et même d'autres studios, beaucoup Raven Software et encore d'autres studios qui font du support, soutien à ces studios-là. Quoi. Et du coup, là, il y a vraiment un roulement entre ces studios pour alimenter cette fameuse annualisation de Call of Duty. Qui n'a pas vacillé. Il n'y a pas eu une seule année, il y a eu les Assassin's Creed et tout. Non, ça, ils n'ont pas tenu. En fait, ce qui est assez fou, c'est qu'à chaque fois qu'ils sont sur le point où tu te dis « Ah, là... » ça va pas trop, ils ont trouvé un truc qui fonctionne. C'est-à-dire que là, par exemple, le dernier Call of Duty Vanguard, qui est donc sorti là il y a quelques mois, c'est pas très bien vendu comparé aux autres, mais pendant ce temps, ils ont sorti il y a quelques années un truc qui s'appelle Warzone, qui est leur Battle Royale de eux. Il y a Call of Duty qui est arrivé sur téléphone mobile aussi également, qui cartonne. Et donc même si en fait Call of Duty n'a peut-être plus ces succès incroyables l'épisode qu'ils avaient, l'épisode canonique n'est plus aussi fort, c'est une machine énorme, et du coup les jeux continuent de mobiliser tout un tas de joueurs dans le monde entier. C'est 400 millions de jeux vendus en gros aujourd'hui Call of Duty, et c'est, je crois, la deux ou troisième en chiffres dans le jeu vidéo. C'est énorme. C'est derrière Pokémon, mais je crois que c'est juste derrière. Je crois que c'est derrière Pokémon et Mario. Voilà, il y a Pokémon, Mario, je crois qu'il y a Call of. Donc c'est énormissime. C'est un monument. C'est un monstre, en fait, vraiment. Et ce qui est intéressant, c'est, et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il a appelé son livre l'usine à succès, Sébastien. C'est parce que c'est une machine marketing comme ça qui a été pensée depuis le début comme un Medal of Honor killer, et ils l'ont fait. Ils ont fait leur truc, ils ont sorti leur machine, ils ont dit « Ok, on prend un studio, 2 studios, 3 studios, on en met un 4e. » Enfin, c'est vraiment une machine de fou. Et c'est pas pour rien. Voilà, il y a eu un petit achat récemment. Microsoft qui a racheté donc Activision Blizzard King. Et on peut supposer que le poids de Call of Duty là-dedans, ça doit peser, être un petit pourcentage. Alors, c'est assez difficile d'imaginer. Ce qu'on essaye de dire, en fait, c'est que dans les décisions d'achat, donc on sait que la décision d'achat de Microsoft s'est faite vraiment avec la baisse en fait de l'action en bourse suite à tous les problèmes d'Activision. Ils voulaient vendre, ils étaient chauds pour vendre parce que de toute façon, ça n'allait pas trop. Microsoft Microsoft s'est jeté sur le truc pour l'acheter à un prix finalement pas énorme. Mais dans ces 70 milliards là, c'est vrai que quand on regarde les plus grosses IP, bon, il y a World of Warcraft évidemment, mais sinon bah, c'est Call of Duty. C'est à dire qu'aujourd'hui chez Activision, ils ont d'autres séries, tu vois. Alors ils ont relancé Crash, ils ont relancé mais c'est rien du tout, Call of Duty c'est vraiment aujourd'hui là une des plus grosses marques de divertissement au monde, quoi. Chaque année, en fait, à la fois en termes de vente, mais aussi de revenus vraiment numériques, en DLC, en Season Pass, en machin. Warzone, c'est une machine à pognon aussi, c'est taré. C'est pas un million par jour, mais oui, pas... oui, c'est ça qui est taré, c'est que tu dis, bon, il y a déjà Fortnite, où là, c'est stratosphérique, et il y a eu PUBG, enfin, tu vois, les Battle Royale, ça fonctionne bien, et Warzone, comme Apex, ils ont réussi à s'imposer dans un marché qu'on pensait être bouché, celui des Battle Royale, et Warzone, ils arrivent à relancer la machine. Là, ils ont encore annoncé où c'est en cours une nouvelle, avec une nouvelle île, un nouveau machin. Enfin, du coup, voilà, il y a tout déjà qui est enclenché pour être devenu un stand-alone. Ça reste Call of Duty, mais voilà, c'est la partie Battle Royale. Pour donner un ordre d'idée, King, quand il avait été racheté, parce que avant c'était Activision Blizzard, enfin, il y a longtemps, quand ils ont racheté King, c'était à peu près 5 ou 6 milliards, je crois. Donc, déjà, hop, sur les 70 milliards, t'en enlèves entre 5 et 10 pour King. Et après, oui, tu vois, il y a Blizzard, tu vois, il y a des gens qui vont dire, oui, c'est des grosses licences, c'est Diablo, il y a le 4, c'est Overwatch qui a très marché, mais en fait en termes de blé, mais par rapport à Call of Duty, rendez-vous compte, on leur dit Call of Duty c'est tous les ans en fait, parce que Diablo 3 c'est 2012 je crois, oui. Il n'y en a pas eu depuis 10 ans, tu vois. Overwatch c'est 2016, bon, ça commence à remonter aussi, et donc, c'est que des lootbox, on n'est pas dans le même délire. Ce qui rapporte énormément d'argent chez Blizzard encore aujourd'hui, c'est Hearthstone avec les ventes de cartes, etc., et World of Warcraft parce que c'est toujours 4 ou 5 millions de gens qui payent leurs 15 balles par mois. Mais voilà, Call of, un monument du jeu vidéo, c'est aussi ce jeu voilà qui fait partie de ces quelques jeux que plein de joueurs achètent, mais c'est un de leurs jeux, quoi. C'est voilà, le Call of, le FIFA et le Assassin's Creed éventuellement, mais voilà, c'est un rendez-vous en fait. En novembre, il y a le Call of qui sort, et en fait c'est pour moi c'est vraiment une incarnation du jeu vidéo grand public, tu vois, et je le dis sans mépris, tu vois. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui moi c'est plus forcément une licence qui m'intéresse, mais j'en ai été pendant quelques années, et ouais, je pense que c'est un rendez-vous, c'est une licence en fait qui est un rendez-vous évident pour plein de joueurs dans le monde, en fait, qui est juste de dire, bah ouais, je vais acheter le Call of parce que c'est le truc à faire, c'est la nouveauté, je vais jouer un peu multi, et voilà, ouais, bon, plus ils vieillissent, moins ils ont le temps de faire, parce qu'on n'a plus qu'une heure pour jouer de temps en temps le week-end, mais voilà, quoi, c'est ce grand rendez-vous-là, quoi. Et si on a parlé de Modern Warfare, c'est parce que bah, c'est vraiment le premier gros succès, c'est celui qui l'a amené dans une nouvelle, des nouveaux sommets, et avec le multi hein, aussi, c'était une grosse partie du succès, et aussi on peut noter, il y a eu un remake finalement de Modern Warfare qui est sorti en 2019. Remaster, et ensuite il y a eu un remake. Remaster, normal. C'est juste pour le rendre en HD, et il y a eu un vrai reboot de la série en 2019 où on retrouve Price, avec des cinématiques très jolies et ses roues flaquettes en HD incroyables, et il change complètement d'univers, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'histoire se passe vraiment à notre époque, ils ont essayer d'intégrer, parce que bon, il y a tout un tas d'interviews où ils disent oui, il y a des choix moraux incroyables, etc. Calmons-nous. Ils ont quand même essayé d'intégrer un peu plus un côté niveau de gris par rapport à Call of Duty où il y avait les gentils américains, les méchants russes. Là, on sent qu'en fait, il y a des gens, des musulmans qui vont les aider, enfin, il y a des arabes qui vont les aider, il y a des russes qui vont être de leur côté, enfin, voilà. Il y a toujours un peu ce côté zone grise, et ils viennent d'annoncer là, il y a quelques jours, qu'ils sont en train de développer Modern Warfare 2. Voilà. Du coup, c'est pas le chiffre, le 2 arabe, c'est 2 en chiffre romain. Donc... Voilà. Ça va commencer à devenir compliqué. Je pense que d'ici quelques années, on va peut-être atteindre le niveau, tu vois, Kingdom Hearts de la publication par rapport au titre. À noter quand même, donc, oui, Zone Grise, parce qu'il y a des histoires personnelles un petit peu plus, tiraillées à échelle individuelle. Après, ça reste jeune américain. Ça reste la vision américaine. Très hollywoodien. Ça reste les gentils, tu vois. Mais disons qu'ils ont quand même suivi cette tendance assez moderne du jeu vidéo d'apporter un peu plus de nuances. On a plus d'exigences là-dessus qu'on en avait en 2007. Rien que la mise en scène des séquences de jeu quand tu vas les voir, etc., effectivement c'est incomparable. J'ai regardé en fait un let's play, parce que je l'ai pas fait, mais j'ai regardé un let's play de Modern Warfare, donc le remake pour voir à quoi ça ressemblait. Bon, c'est vrai que tu te dis oui, ok, il y a eu 10 ans qui se sont passés entre les deux, ça se voit. Mais bon, Modern Warfare, c'est la nostalgie maintenant. C'est celui-ci. Ouais. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est aussi ce qu'on se disait, c'est qu'on voit pas Call of Duty s'arrêter en fait. Si Microsoft ils l'ont acheté, c'est aussi en mode genre oui, parce qu'on veut profiter de cette grosse poule aux œufs d'or. Et c'est une série qu'on... Aujourd'hui, on n'imagine pas le jeu vidéo sans Call of Duty, quoi. C'est rare, les licences, où on se dit que... De toute façon, c'est pas pour rien que le rachat d'Activision, c'était un truc... Ça a été un bouleversement. Je pense qu'on n'aura probablement pas de news aussi violente avant je sais pas combien de temps. Et un des premiers trucs qu'ils ont fait, c'est rassurer les gens, non mais ça va sortir, ouais. Va encore oui, sortir sur les autres consoles. Depuis les annonces de rachat, alors qui n'est pas encore entérinée, c'est-à-dire qu'il va y avoir une espèce de juin 2023. Ouais, hein, pendant ouais. un an, ça va. Les Américains, les gouvernements américains vont probablement essayer de leur mettre un peu des bâtons dans les roues pour, par rapport à leur loi antitrust. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que là, ils viennent déjà de déclarer que non seulement Call of Duty allait continuer de sortir comme c'était les engagements prévus sur PlayStation et tout, mais ils viennent d'annoncer il y a quelques jours qu'ils veulent en plus sortir Call of Duty sur Switch et sur toutes les plateformes. C'est-à-dire qu'en gros, Call of Duty, ils veulent que ça soit partout. Ils veulent pas en faire une exclue. Ils ont bien compris que segmenter le marché là-dessus, ça risque de leur coûter plus cher de laisser ça à tout le monde. Donc voilà, une grosse machine, et voilà, on était content de revenir dessus, parce que voilà, c'est une licence tellement importante dans le jeu vidéo, ça permet de brasser plein de trucs, c'est des gros enjeux financiers, il y a eu vraiment des magouilles, des histoires autour de ce truc, et puis un jeu important par rapport à ce qu'il pouvait proposer, et puis aussi, voilà, c'est un visage du jeu vidéo moderne, voilà, le jeu de guerre, le FPS, c'est pas la caricature, mais presque du jeu vidéo. Après, quoi. Tu vois, là, on peut rentrer dans des petites parenthèses, mais Call of Duty, ça a tellement bien fonctionné que ça a donné naissance, en fait, à des espèces de contre-mouvements, entre guillemets, des jeux comme Spec Ops, tu vois, même dans une certaine manière, la façon dont Metal Gear va reprendre un petit peu, va évoluer un peu avec le 4 ou le 5. Enfin, tu vois, les Call of Duty ont tellement marqué l'imaginaire du jeu vidéo que ça a déclenché, tu vois, des mouvements de jeux qui vont essayer d'aller à l'encontre de ça, de proposer une vision différente, de montrer la guerre sous un angle un peu différent, etc. Parce que, justement, voilà, c'était un truc qui a dominé et qui continue de dominer encore aujourd'hui le jeu vidéo. Très bien, et bien, je crois qu'on a fait le tour pour cet épisode. On remercie une nouvelle fois Third Edition, la maison d'édition spécialisée dans les ouvrages consacrés aux jeux vidéo. Mais pas que deux fois. On peut le faire pas deux fois. On fait ce qu'on veut. Le livre donc sur Christopher Mallon qui est disponible au moment où vous écoutez l'épisode. Donc voilà. Juste un livre écrit par Guillaume Labrude. Voilà, j'avais retrouvé le nom. Enchanté. On le salue. Donc voilà, vous pouvez retrouver ça sur leur site si vous êtes un amateur de ce cinéma. Et on va apprendre plein de choses sur son univers, tous ces films. Voilà. Un commentaire sur le c'est comme avec les gamins, tu vois la lueur dans ses yeux, genre il va faire une connerie. Voilà. Tu le vois dans ses yeux. On se retrouve dans deux semaines pour parler on va à l'inverse, je crois, du spectre. Hein. C'est Paradise Killer. Le prochain, oui. La prochaine. Donc voilà, un jeu. Là, on a fait peut-être le plus gros jeu de tout. De oui. tout là, on fait le plus petit. Là, on a fait peut-être le plus petit. C'est comme ça. On est comme ça. Donc voilà. Mais on continuera, parce qu'on l'a déjà teasé, on continuera de vous reparler de ces gens de chez Respawn. Si vous voulez savoir ce qu'ils font, leurs vacances, comme ça, et ça va bien. Hein et bien voilà. Rendez-vous un petit peu plus tard dans l'année. Merci de nous avoir écoutés. Merci évidemment de ne pas oublier le petit lien Patreon. Vous allez dans la description. Là, vous regardez. Sauvez votre portable. Vous allez dans la description. Vous cliquez sur le lien, petite carte bleue, et hop, on aide fin du game, voilà, cette entreprise fantastique. Et donc, merci. Comment t'as réussi à convaincre ta maman de mettre la carte bleue finalement? T'as attendu d'avoir la tienne? Parce que pour les gens qui nous écoutent, dont la maman veut la carte bleue dans le podcast. Je sais pas, honnêtement, j'en avais pas eu une tout de suite et j'ai dû l'avoir après. Un jour, j'ai travaillé. Ou alors, j'avais pas eu le droit je ne me souviens plus, voilà, ces détails, je suis désolé, je sais juste que la négociation pour avoir des nouvelles maps ne s'était pas bien terminée, voilà. J'aurais dû faire un dessin je t'aime avec des militaires qui se tirent dessus, peut-être que ça aurait marché. Voilà, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve, non pas dans deux semaines, j'allais dire une connerie, mais c'est dans trois semaines. Oui, il y a un petit délai là. C'est vrai qu'il y a un petit décalage. Il y a un jeu qui sort là en fin de mois, je sais plus ce que c'est, mais voilà, il y a des gens qui vont être occupés. Mais ce sera toujours deux fois par mois. Voilà, merci de nous avoir écoutés. Salut. Salut. Ciao. Now it's a ghost town.